Et bientôt on offrira l'iPhone 5S aussi avec le double fun, hein. Soit bien dans le coup là, parce que là ton téléphone il est pourra. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio 20h. On va retrouver Mickaël là maintenant sur Fun Radio. Mickaël, oui. Et No Limit. Bonsoir Mickaël. Bah, oui. Et ça va, je salue No Limit qui est avec nous. Oui, bonsoir. Je suis. Non, c'est limité lui. Moi je suis limité. Non, mais qui est le fameux No Limit? Écoute, justement on se pose la question. Moi je suis No. Voilà, moi je suis limite. Exactement, ouais. Enfin non, toi t'es limité, toi j'ai déjà dit. Pas pareil. Quelle ambiance. Mais oui, mais toujours au taquet, t'inquiète pas. En plus maintenant que toi fils la ramène depuis qu'il est allé à Hollywood, est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu son passage à Hollywood? Non. Monsieur est devenu acteur. Mais oui, mais attendez. Hey, attention. Quel talent. Merci. Incroyable. Impressionné. L'Actor Studio est avec nous tous les soirs. Je vise un Oscar cette année. Mais écoute, on te souhaite beaucoup de chance. Et oui, beaucoup de courage chance aussi à tous les autres. Mais attention, et en plus il connaît Brad Pitt. Brad Pitt. Exactement. C'est la version Bollywood. C'est la version Bollywood, exactement, oui. Bon, et ben on va vous souhaiter une bonne soirée. Eh ben, c'est merci bien cool. Aussi, bonne soirée émission. À vous aussi, éclatez-vous bien. Merci beaucoup et retour de Levin Fun, évidemment. Ce sera demain à partir de 20h. Au revoir le doc. Salut. Au revoir. Salut j'explique, hein, il est déjà avec des meufs là. Non. Il est déjà en train d'enchaîner là. Bien j'ai sûr, vu bien qu'il sûr. Prenait des numéros de téléphone là. Mais voilà, bien voilà. Sûr, mais il a raison. Cache bien son jeu. Et quoi, on est jeune qu'une fois. Allez, bonne soirée à vous. Salut Mickaël. On est parti jusqu'à 2h. Ciao. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir les filles. Et bonsoir. Salut les mecs aussi, hein, vite fait. Hein. Bah, oui. Il n'y a qu'une ici ce soir, évidemment. Oui, ce soir, j'avais envie de commencer par les filles. C'est mon côté gentleman. Quel beau gosse. N'est-il pas? D'ailleurs, pour les filles qui découvrent l'émission, je m'appelle Mickaël, M-I-K-L. Et je suis dans votre radio du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Si vous êtes une fille et que vous voulez me rejoindre à l'antenne, bien évidemment, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. N'hésitez pas, puis si vous êtes un mec, hein, vous faites pareil, hein, comme par exemple Romuald qui est avec nous là déjà. Salut Romu. Salut Mickaël, ça va? Bah ça va bien, j'aurais préféré commencer avec une fille, je ne te cache pas ma déception. Mais bon, écoute, on fera avec, enfin on fera sans en l'occurrence. Hein. Comment ça va Romu? Bah très bien. Bon, très bien Romuald. Alors t'appelles d'où toi? Territoire de Belfort. Oui, très bien. 90. Bon bah très bien, bon salut tout le monde évidemment, il n'y a pas de problème. Bon Romuald, est-ce que t'as passé une bonne journée toi? Bah très bien. D'accord, moi je voulais passer un petit coup de gueule, ça dérange personne. Non, vas-y, fais-moi plaisir. Je voulais quand même savoir, parce que bon, je me suis... Bon, j'arrive là où j'habite, je garde la voiture dans la rue. Non mais attends, ça m'a énervé. Et c'est quand même très drôle. J'en ai parlé à personne, sauf Apollo, parce que j'étais le chercher, donc il a vu. Et je vois quand je descends, donc je vois la voiture, j'étais bien garé, hein, donc je gênais personne, ni quoi que ce soit. Je vois la voiture, je vois une espèce de papier journal sur le capot, mais tu sais, en boule. Mmh. Et en fait, il y a un enculé. Il avait chié dedans et il a mis sur la voiture. C'est pas vrai. Il y en a encore sur le pare-brise. J'ai fait une photo, je vais la mettre sur le Facebook. Il y en avait sur le capot, il y en avait en dessous du capot. Là, c'est pas vrai. Là où il y a les gicleurs, tu sais, pour nettoyer la vitre avec les essuie-glaces. Quand je roule maintenant, j'ai une grosse merde. Ouais. Devant, j'arrive pas à l'enlever. Enfin, si, faut que j'ai nettoyé, mais ça me fait chier, quoi. Tu vois, j'ai essayé avec les essuie-glaces pendant 3 heures. C'est et un ça, mec ça qui a fait chier son chien dehors et qui a ramassé. Mais qui met ça par terre? Pourquoi il met ça sur ma caisse? Bah, il avait envie de faire chier le monde. Mais quel connard alors celui-là. Blanche et tout. Bah oui, elle est plus blanche maintenant. C'est un peu comme une voiture de course maintenant. C'est les blanches avec une ligne noire au milieu sur le capot. Tu vois, ça fait un peu voiture de sport. Pilote. Ouais, ça fait un peu pilote, ouais. Donc voilà, j'annonce, j'emmerde celui qui. Si je trouve celui qui a fait ça, hein, je lui chie dans la gueule. Non, mais attends, il y a un moment, elle a rien demandé ma voiture. Elle était là toute propre. Elle était bien, elle était pépère, elle se reposait. Et puis il y a un connard qui a été lui foutre du caca sur le capot et la vitre. C'est donc, énorme. Quelle bande de cons alors. Voilà, ça t'est déjà arrivé soit Romu? Ah bah non, t'as 17 ans, toi t'as pas de voiture. Non, j'en ai pas encore. Bon bah très bien, mais t'as quand même pas idée d'aller mettre du caca sur la voiture de quelqu'un? Non. Ça a pas de sens quand même, c'est improbable. Enfin bon bref. Sauf si c'est quelqu'un qui t'en veut. Oui, mais en même temps, je viens d'arriver dans le quartier, c'est-à-dire que je loge chez des amis, donc je suis même pas. On peut pas m'en vouloir, on me connaît pas. Bien tof. Je suis discret, j'arrive à 3h30 du match, je rempars à midi, donc. Il se passe rien quoi, je fais chier personne. Pour l'instant du moins, mais ça va changer ça. La guerre est en marche. Attention. Faites sonner les trompettes. Exactement. Levez le pont-levis. Bon, et donc, Sandro va bien déjà. Prête pour le voyage à Nancy? Non, je pensais qu'on était lundi déjà aujourd'hui. Alors si tu veux. On est mardi bien. Déjà. Hein. On est mardi, le temps passe vite. C'est dimanche, ça. On sera à Nancy, donc sur la place Stan à 17h. On aura des cadeaux à vous offrir aussi. Donc venez nombreux, il y aura les stickers, on va faire des jeux et tout avec vous. Et puis Toff évidemment sera là, bien entendu, à 17h avec nous, avec sa balance et son maître pour faire un grand chiffre des lettres géants sur la place Stan. Oui, je vais prendre les mesures. Bah voilà, c'est ça. Et puis il viendra également avec, avec tous ses amis. Hein. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà, tout le monde sera là, bien entendu. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, bref, le. Comment je fais pour dormir la nuit sans toi? Oui, bon, ça après, c'est un autre problème. Hein. Ça, c'est le côté recto verso Toff, mais enfin, c'est pas grave. Et donc sera là. Dis donc, Romuald, on te dérange pas avec la radio à fond là? Excuse-moi. c'est rien, t'inquiète. Bon, et puis il y a Polo également qui viendra lui aussi à Nancy avec le pipeau, bien entendu. Hein. Le pipeau sera là en chair et en os. Alors personne ne pourra toucher au pipeau, attention. En chair et en os. Mais il sera là, et il sera là. Les filles pourront souffler dans le pipeau. Voilà, c'est si j'en ai deux à ma disposition. Très bien. Et comme tous les soirs, on va faire le top tweetos également. Alors pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 des plus actifs. Donc soyez au taquet, évidemment, pour commenter l'émission tout au long de la soirée. Hashtag MIKL. Et bah commentez, tiens, je vais mettre la photo du caca sur ma voiture. Commentez pour voir un peu ce qui va se passer. Hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Et puis si je le retrouve, celui-là, ça a très très mal se passer. Je vous le dis, j'annonce. Bon, est-ce qu'il y a un son que t'aimes bien, Romuald, pour l'instant, un son qui te fait kiffer? Oui, Showtech. Showtech, ah bah très bien, ça fait longtemps qu'on n'a plus mis celui-là, Showtech. Attends, lequel en particulier ou Bouya? Le Bouya, il était bon le Bouya. Hein. Oui. Je suis en train de meubler là, tant que je trouve, une seconde. Je ne sais plus où il est. Bon, eh ben, c'est très bien, on va le remettre, hein. T'inquiète pas, on te le remettra avant 2h du matin. Ah mais il est là, tiens. Voilà, Showtech avec Bouya, ça faisait longtemps qu'on n'a plus mis le soir, tiens, c'est parfait, bonne idée. Bon, et puis plus proche de nous, je vous cale aussi Selena Gomez. Il y aura Redfoo aussi avec Let's Get Ridiculous. Ça c'est une chanson évidemment spéciale dédicace pour Toff, hein. Let's Get Ridiculous. Mais c'est mon hymne, hein. Ouais, et il y aura aussi un son que vous aimez bien aussi, c'est Dubs avec Tsunami. Ça va, le programme te plaît, Romuald, ou il y a un truc que tu veux changer? Non, super, ça me plaît. Bon, bah écoute, alors c'est parfait, alors si t'es content, c'est magnifique. Bon, et puis il y aura aussi des cadeaux avec bien sûr PS3, Xbox 360 et bien entendu aussi vos places pour venir avec nous à la Paris Games Week. Ce sera le 29 octobre. Il y aura des places à gagner, bien entendu, tout au long de la soirée, ce soir jusqu'à 2h du mat. Et continuez aussi, bien sûr, à aller voter pour votre jeu vidéo de l'année. Quel est pour vous le jeu vidéo qui a tout déchiré cette année 2013? Eh bah, allez voter sur funradio.fr dès maintenant. N'hésitez pas, je vous calerai aussi, bien sûr, des places pour aller au parc Astérix la peur sur le parc, et ça va faire très peur, je peux vous le dire. Et Toff sera là également, il sera déguisé en citrouille. Il faudra le trouver dans le parc Astérix. Il sera là, ce sera la citrouille la plus moche du parc. Vous allez pouvoir le retrouver sans problème. Bon, et alors aussi un truc, je vais vous en offrir aussi. Allez voir si vous l'avez pas vu, on va vous en offrir dans très très peu de temps le nouvel iPad Air. Waouh! Ils l'ont présenté ce soir en Californie. Enfin, pour eux c'était le matin, mais pour nous c'était ce soir. L'iPad Air est juste une tuerie, deux fois plus petit que l'iPad 4 pour ceux qui connaissent, deux fois plus léger. Bref, c'est une tuerie monumentale. Donc si vous voulez le gagner, facebook.com/Mickaël officiel, allez voir. Voilà, tu l'as vu toi, Romuald, l'iPad Air nouveau là? Non, pas encore. Ah, il est énorme. Enfin non, justement, il est tout petit, il est super fin, c'est une tuerie. Et on va vous le filer, ça c'est une certitude. Romuald, t'aimerais bien gagner l'iPad Air? Ah, j'aimerais bien. Ah, tu l'auras pas tout de suite, je te le dis direct. Hein. J'annonce aussi, hein, tu vois, tant qu'à faire. Bon, on parle de quoi avec toi, Romu, dis-moi? Bah, en fait, j'appelle parce que... J'appelle parce qu'en fait ma copine s'était fait opérer. En fait, j'avais rencontré une copine. Ouais. Et en fait, avec le lycée, on avait fait une sortie, on devait faire un projet sur la semaine du goût, et j'ai rencontré là à ce moment-là, quoi. Ouais. Après, j'étais venu chez elle, j'ai demandé si je pouvais venir chez elle le lendemain, elle m'a dit oui. Ouais. Et après, en fait, elle est partie se faire opérer, et après, ce week-end, j'ai parlé avec le médecin, elle m'a dit qu'elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient plus de moi. Ça c'est ballot, mec. Non mais est-ce que c'est vrai ou c'est une enfume et c'est le truc qu'elle a réussi à trouver pour se débarrasser de toi une fois pour toutes? Bah je sais pas, mais apparemment tout à l'heure je l'ai rue au téléphone, mais elle se souvient plus de moi apparemment. Elle se souvient plus, c'est étrange, c'est étrange. Bah écoute, on va en parler ce soir, hein. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. Quelle est l'excuse la plus improbable que vous avez trouvée à votre copain? Enfin, trouver à donner à votre copain ou à votre copine pour se débarrasser tout simplement du colis en trop. N'hésitez pas à venir nous en parler, ou alors si vous aviez déjà vraiment peut-être perdu la mémoire, là aussi venez vous en parler maintenant. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. N'hésitez pas, il y a Nelia qui dit l'iPad il déchire. Ah bah ouais, tu m'étonnes, je l'ai vu. Il y a la photo sur le Facebook, allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Lusitano aussi qui dit pauvre Mickaël, voiture repeinte avec de la merde, quel connard la personne qui a fait ça, aucun respect. Je suis assez d'accord, hein. Il y a le Messi de la vanne qui dit quoi, Pipo est encore là, ça fait un mois que j'ai pas écouté. Ah bah oui, il est là, le Messi de la vanne. C'est vrai, je me souviens de toi, ça fait longtemps que t'es plus venu. Tiens, du mérite, un coup de pelle dans la gueule. Voilà, le Messi de la vanne. Et Rescapé aussi, Xenon qui dit un message de bienvenue pour mon frère, me crois pas que tu vas le faire, c'est la première fois qu'il écoute l'émission. Ah, il croit pas. Ah, il croit pas. Eh bah très bien, ce sera pour vous deux du coup, tiens. Nique ta mère, t'as compris. Voilà, nique ta mère. Bon, et puis aussi Faustin qui dit aussi, vas-y, chie-lui dessus. Tous les coups, c'est off. Oui, on n'est pas la brique, c'est soit elle, ouais. Thibaut qui dit, fait chier le monde, c'est Posiaka qui l'a fait. Et puis Megumi qui dit une pensée pour Louis de hier soir, qui doit avoir du mal à s'asseoir aujourd'hui. Ah, et pour ceux qui ont raté la soirée d'hier soir, il s'est passé des trucs en fin d'émission, je vous remettrai l'extrait avec Louis qu'on a eu en fin d'émission. Un truc improbable, un retournement de situation. C'est le cas de le dire. Et pas que de situation. Ouais. T'as écouté hier soir ou pas, Romuald, vers 1h30 du mat? De quoi? T'as écouté l'émission? Ouais. T'as écouté Louis ou pas? Ouais. Il parlait de quoi? Il avait fait une soirée libertine, non? Très bien, c'est bien. Bravo, Romuald. Je croyais que t'allais dire, oui, mais je sais plus, j'ai oublié. T'as le droit à un bon point. Exactement, je te mets un coup de pelle. Non, j'en mets un tof. Ouais. Voilà, c'est ton bon point. Bon, Romuald, ben reste avec nous. On va discuter de ça, de la perte de mémoire dans quelques minutes. Et on va parler aussi d'un truc que j'ai mis sur le Facebook cet après-midi à propos de la ponctuation. Une phrase en fait, une virgule qui change de place, et en fait toute la phrase change en l'occurrence. Sens, et donc je voulais savoir si vous aviez aussi des phrases comme ça, où en changeant une virgule de place, bah tout changeait. Genre par exemple, si je vous dis et si on mangeait les enfants, sans virgule, ou alors je mets et si on mangeait virgule les enfants. Voilà, ça change ça tout. N'a rien à donc voir. Si vous avez des phrases comme ça, hashtag Mickaël, allez-y, et les SMS également, hein, 64 900. Débutez le message par Mickaël ou pour la Belgique, vous mettez ça au 30 44. Et puis on va accueillir également Ruben qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Ruben. Bonsoir. Comment ça va, Ruben? Bien, allez-y. Bah écoute, tranquille. Bon. C'est quoi cette blague de merde là? Rien, cherche pas, c'est pas grave. Mais c'est drôle. Oui. Du Ruben adhésif. Bon Ruben. Ah ouais. Alors tu vas peut-être jouer pour gagner la PS3, la Xbox 360 ou alors la Wii U. Et pour ça, non, c'est la PS3 ce soir. PS3 avec le jeu de Last of Us et Beyond Two Souls, deux jeux. Pour ça, il faut que tu fasses péter la colle, Ruben. Ok. Alors, un train électrique va à Lyon et à Dijon. Dans quel sens va la fumée? Alors, je répète, donc un train électrique va à Lyon et à Dijon, dans quel sens va la fumée, c'est ça? Exactement. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous envoyez maintenant M-I-K-L, espace, votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, et vous pouvez aussi répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Donc, un train électrique va à Lyon et à Dijon, dans quel sens va la fumée, c'est bien ça? Oui. Bon ben parfait, et puis il y a l'énoncé également qui est sur le Facebook, donc vous pouvez aller lire évidemment plus facilement. On donne la réponse avant minuit et demi, si quelqu'un trouve la bonne réponse, il gagne la PS3 et les deux jeux. Si personne ne trouve, c'est toi Ruben qui gagne, d'accord? Ouais, bon, pas de problème. Ben, ne bouge pas de là alors hein, Ruben, hein, okay, on va te reprendre, on va faire le jeu de la rupture également dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter le son de Dubs avec Tsunami, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, il est 23h12, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat, et tous les soirs dorénavant c'est sur Fun Radio que ça se passe. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Exactement, ouais, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit en direct dans toute la France avec notre rencard évidemment à Nancy. Hein. N'oubliez pas de venir à la place Tan, enfin sur la place Tan plutôt, ce sera à 17h dimanche. On fera des jeux avec vous, on aura des cadeaux également, des consoles, on aura d'autres trucs, je suis en train de négocier. Et puis on aura aussi les stickers qu'on va vous distribuer bien sûr en masse sans problème. Vous verrez Toff, hein, n'hésitez pas à lui lancer des œufs. Hein, lancez-lui des œufs sur sa tête, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on sera à Nancy. On fera l'émission en direct de Fun Radio à Nancy dimanche soir. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis bon, on fera un tour de France au fur et à mesure de la saison pour passer, essayer de passer tous vous voir en fait, tout simplement. Voilà, et puis je vous rappelle également qu'on sera au Paris Games Week le 29 octobre pour le salon du jeu vidéo. Ouais. Et donc à voter également, il faut aller voter pour le jeu vidéo que vous avez préféré en 2013. Si vous votez sur funradio.fr, vous repartirez peut-être aussi avec une console au choix. Vous choisirez PlayStation, Xbox, Nintendo, etc. Donc funradio.fr, allez-y, on a Nathan, évidemment, tout va vote, bien entendu. Et puis 23h15, on va se faire dans un instant le jeu de la rupture sur Fun Radio. Pour vous inscrire, je vous expliquerai comment ça se passe dans quelques minutes. 01 42 48 5000. Le son de Dub, ce qu'on écoute maintenant, c'est Tsunami sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Nolimit jusqu'à 2h. C'est Fun Radio avec le son de Dubs. À l'instant, c'était Tsunami sur Fun Radio. Alors ça y est, j'ai mis la photo hein, de la voiture, de ma voiture que j'ai trouvée ce matin, remplie de merde. Non mais c'était très mignon. Quoi. Ah bah ouais, c'était dégueulasse surtout. Putain, je suis arrivé, j'ai vu ça, je me dis c'est une blague. En plus, j'arrive de loin, tu vois, je vois la voiture et je vois cette espèce de je sais pas, de papier de journal froissé. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah j'ai pas compris quoi. J'ai vraiment c'était pas compris. C'était du caca. Hein. Mais oui non mais c'est ça. On a chié sur ta tête. Exactement, exactement. Il y a Fred qui est avec nous d'ailleurs pour parler du caca. Salut Fred. Fred. Nickel. Ah ça va? Ça va, ça va. Eh, si c'est toi qui as mis le caca sur la voiture, hein, j'arrive, je te pète ta gueule, c'est que c'est clair. Non, moi je suis sur la région Rhône-Alpes. Bon, ouais. Je suis chauffeur routier donc je roule la nuit. Justement, tu vois, t'aurais pu faire l'aller-retour. Ouais, non, mais je monte pas si haut, moi. Je monte d'accord. Un peu au-dessus d'Auxerre. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, donc c'est pas toi qui a mis la merde. Ah non, je me serais pas permis. Oh, écoute, on sait jamais, hein. On sait jamais. Moi, je crois que c'est tof. Bon, allez voir sur le Facebook. Ah, allez voir. Il y a des trucs à voir. Déjà, il y a la colle. Il faut répondre sur le Facebook ou sur par SMS. On va en parler. Il y a également la photo du nouvel iPad Air que je vais vous offrir aussi. Donc, allez voir. Et puis, il y a la photo de ma voiture cacaïsée. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu toute la merde sur la voiture. Et comme tuning. Je l'ai mis sur le Facebook, Et comme j'ai mis sur le Facebook, c'est vrai que quand on voit sur la photo, on se dit qu'il y a pas grand chose. Mais déjà sur la photo, on s'en rend pas bien compte. Et en plus, il y a des endroits où on ne voit pas. Enfin, ouais. On voit pas sur la photo, mais il y a aussi de la merde dessus. Donc je trouve ça assez scandaleux. Et moi, j'étais choqué quand même d'avoir eu cette espèce d'éclat de merde. Ouais. Je croyais que c'était du chocolat au départ. Ah ouais. Bah oui, et j'ai mis du chocolat sur le pare-brise. Voilà, bah oui, bien sûr, et tout sec en plus. Bon bref. Et donc du coup, Fred, tu voulais dire quoi par rapport au caca? Ben moi, une fois, je remontais de vacances sur l'autoroute et ouais. Moi, j'ai eu droit à carrément la couche sur le pare-brise. Comment ça, la couche? Ah ben, les gens qui étaient devant moi, ils ont dû changer leur enfant, ils ont jeté la couche par le pare-brise, par la fenêtre. Ah, la couche culotte. Oh. Ah, la couche culotte, ouais. Mais quelle horreur. Oh, les enfoirés. Non, mais c'est scandaleux. C'est pire et, que ça. Et t'as eu tout et tout, t'as eu la totale, quoi. Ah ouais, moi j'ai eu la totale, moi ça m'a pris pratiquement de l'avant de la voiture, c'est monté le pare-brise, le toit, ça a suivi tout le long quoi. Oh merde, putain c'est bon ça. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà arrivé, on en avait parlé hier, des mecs cons comme moi d'ailleurs qui avaient déjà eu l'occasion de le faire, hein. Tu sais, je roule rarement en moto ou en scoot. Et donc il y a un moment on était sur le scoot, alors peut-être pas forcément non plus celui de Toff. Mais... Non, celui-là il va passer. Voilà, on était pas sur celui-là, mais bon, tu sais, il y a un moment, t'es là, et puis tu sais, t'as un goût en bouche, tu dis, ouais, j'en ai marre. Donc tu le craches, ou alors un chewing-gum, et ouais. Paf, il te revient en pleine gueule. Parce que comme t'as pas l'habitude, évidemment, il te revient en pleine gueule. Mais oui. C'est automatique. Bon, et donc du coup, toi, Fred, t'as fait quoi? Bah, t'as rien pu faire, toi, si t'es dans le camion. Bah, non, je me suis arrêté à la première station-service, et puis avec le petit jet d'eau, j'ai de nettoyer un petit peu, quoi. Ah putain, moi, j'aurais été enragé. Bah, déjà, je l'étais ce matin, je peux te dire. J'étais pas content. Ah, il aurait tué des gens, hein. Ah, bah, peut-être pas là, mais franchement. Franchement, je lui aurais fait bouffer, moi, le mec qui a mis ça, ou la meuf, hein, je sais pas. Y a Alexis qui dit elle est sale pour ta voiture. Oui, ah bah oui, si quelqu'un mettait pas de la merde dessus aussi, j'aurais pas ce problème. Brittany qui dit oh la voiture, j'aurais pas le goût de la nettoyer, bonne chance. Bah, je l'ai pas non plus, je t'avoue, Brittany. Mais si jamais il y a des filles qui veulent venir la laver. Avec leur nibar. Se frotter sur leur problème. On va adorer, nous. Voilà, Toff sera là, il comptera les points. Oui, on fera un car wash. Je serai là, j'aurai le savon. Exactement. Exactement, ouais. elles viendront se frotter à moi pour en prendre. Mais bonne idée. Bon, bah, Fred, bah merci en tout cas d'être passé, et puis bah merci pour l'anecdote avec le caca aussi. Mais il n'y a pas de problème. Et tu reviens quand tu veux, Fred, à bientôt. À bientôt, et bah continuez comme ça. C'est gentil, Fred, à bientôt, salut. Allez, à toi. Bonne soirée, ciao, bye bye. Ruben, qu'on va récupérer pour la colle là en speed. Ruben, t'es toujours là? Oui. Bon, parfait. Alors, je rappelle qu'il y a toujours la PlayStation 3 à gagner avec les deux jeux vidéo qu'on met, The Last of Us et Beyond Two Souls. Bon, yeah. Ruben, pour ça, il faut que les auditeurs trouvent la réponse à ta colle et qu'ils soient tirés au sort. Alors, vas-y, Ruben. Alors, un train électrique va à Lyon et à Dijon. Dans quel sens va la fumée? Alors, un train électrique va de Lyon à Dijon. Dans quel sens va la fumée? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et donc, message dans le sens du vent, il va? Non. Non, la bouche? Non. Il va à Dijon, la fumée va à Dijon? Non. La fumée va derrière le train? Non plus. Non plus. Ah bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, bah allez-y, allez-y, pas de problème. Donc allez-y, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. C'est à vous de jouer donc. Hein. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller lire l'énoncé sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Ruben, on te récupère tout à l'heure et on donne la réponse avant minuit 30. Ok, pas de problème. À tout à l'heure, Ruben. On va également jouer avec la rupture d'ici quelques minutes. Et avant de reprendre Romuald, bah Romuald, il est toujours là, il est avec nous, hein, Romuald, hein. Revu. Oui, je suis là. Ah, très bien. Dis donc, je viens de voir sur Facebook, non pas le caca, hein, ça c'était la voiture que vous pouvez aller voir sur le Facebook et le Twitter de l'émission, mais j'ai vu sur Facebook une expo improbable au Portugal. À votre avis, ils exposent quoi? À ton avis, Romu, t'as une idée ou pas? Non. Ils exposent des merdes qui ont été posées sur des voitures. On aurait pu, mais ce n'est pas ça. Bon, ça. Sandro, à ton avis, ils exposent quoi au Portugal? Des poils. C'est drôle ça. Non, c'est mais drôle, ça. C'est le premier truc qui est vu. Ouais, c'est ça. Ils exposent des murs. Voilà. Non, en fait, ils exposent des photos de trous de cul. Ah bah tu vois, j'étais pas si loin. Ça n'a rien à voir. Pourtant, je me rappelle pas avoir été consulté. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire, pas des connards comme toi. Ah non, en fait, des photos d'anus. Alors c'est quand même assez dégueulasse, faut le savoir. Mais je sais pas ce que vous en pensez en fait. Est-ce que vous iriez voir une expo où on voit juste des trous de cul? Mais attention, c'est fait à l'art, c'est pas dégueulasse. Enfin, apparemment, en tout cas, c'est artistique a priori. Ah bah oui. Hein. Donc, beau trou de balle. Bah ouais, toi, en tant que grand artiste, tu vas demander aux gens s'ils acceptent de se faire photographier le fion? Mais avec plaisir. Bah écoute, ça me paraît un bon plan. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Mon objectif au milieu de leurs fesses. Romuald, tu le ferais ou pas toi? Non, quand même pas. Bon, c'est dommage. Tu vois, t'es pas rock'n'roll dans ta tête. C'est dommage. C'est vrai. Hein, je suis plus Ben Fleur moi. Oui, peut-être, mais quand même, c'est rock'n'roll, c'est un état d'esprit. Ouais. Voilà, c'est un état d'esprit. Tu peux écouter du dance floor et avoir un état d'esprit rock'n'roll. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc tu ferais pas, tu irais pas voir et tu poserais pas non plus. Si, peut-être quand même. Quand même. Moi, je mettrais bien mon trou de balle comme ça. Mais dans une exposition portugale, pourquoi pas. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont encore plutôt. Qui ont tendance à s'énerver assez rapidement, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas, bien entendu, à envoyer tous ces numéros à toph.funradio.fr. On se fera un plaisir de les appeler. Tu déchires, dédicace à mon loulou et un coup de pipeau, s'il te plaît. Bah, bien sûr, tiens, hop là. Le pipeau de Polo qui est toujours là. Voilà, indissociable qui dit je repense à ce pauvre Louis là qui s'est fait visiter son arrière-train mort de rire. On vous le remettra tout à l'heure l'extra avec Louis pour ceux qui n'étaient pas là hier en fin d'émission. Tony qui dit un remix de DJ Mimi, ce serait sympa. Bah peut-être ce soir. Et Cynthia qui dit tu vas nous faire croire que personne trouve la colle du train électrique et que les gens répondent dans le sens du vent ou derrière la locomotive. Bah Cynthia, moi je lis les messages que je reçois. Hein. Après, si tu veux venir faire la police, n'hésite pas, viens dans les studios et tu verras bien que c'est les messages que je reçois. Il y a Fabienne qui dit après la perte de mémoire, Louis découvert la tête à queue. Il y a Licorne Rose aussi qui dit ah oui j'ai vu la phrase là, ça change tout j'avoue. Et Megumi qui, oui, la phrase dont je parlais tout à l'heure, j'ai posté ça sur le Facebook, une phrase donc à base de virgule, de ponctuation. Et donc en gros c'est sans virgule et si on mangeait les enfants, et avec virgule et si on mangeait virgule les enfants. Comme quoi la ponctuation est intéressante. Et surtout je tenais à dire à comment il s'appelait, à Dan Dos Santos, que c'est un idiot, puisque j'avais bien marqué ponctuation entre guillemets en faisant des grosses fautes improbables. Et tout ce qu'il trouve à dire c'est au fait ponctuation ça s'écrit pas comme ça. Non. En mettant ça SA. Voilà donc bravo Dan, hein. La prochaine fois tourne ta langue cette fois dans ta bouche. Donc facebook.com/MIKL officiel, allez-y. Et puis si vous avez des phrases comme ça aussi, en simplement en changeant une virgule de place ou un point de place, est-ce que ça change toute la phrase? Donc allez-y, n'hésitez pas, facebook.com/MIKL officiel, le hashtag MIKL, faites péter ça sur Twitter. Et puis bah Romuald, on va parler de ton problème là dans quelques minutes, problème de perte de mémoire par rapport à ta copine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, et donc en gros, tu nous avais appelé en disant que t'étais sorti avec une meuf, elle a eu un petit problème, elle a perdu la mémoire, aujourd'hui elle t'a oublié, elle sait plus qui t'es. Ouais, voilà. Quoi. Elle s'est peut-être rappelé qu'elle avait déjà un autre mec. Oui, peut-être qu'en fait, elle a simplement voulu se débarrasser de toi. Hein. Ouais, je sais pas, mais on m'avait prévenu parce qu'en fait, au début, en fait, c'est mon copain qui m'a fait son Facebook et après, quand j'ai rencontré, j'ai eu le coup de foudre au début, quoi. Avec ton copain? Non, de la meuf. Ouais, j'ai eu le coup de foudre de la meuf, ouais. Ah ouais, enfin, t'as eu le coup de foudre sur la meuf plutôt, mais est-ce que c'était réciproque? Comment dire ça, je l'ai eu tout de suite en fait, moi. Ouais, tu l'as vu tout de suite, ouais. Ouais, mais visiblement, elle ne l'a peut-être pas vu tout de suite non plus, quoi. Non, je pense pas. Mais est-ce que t'as son numéro à la meuf? On va essayer de l'appeler si tu veux. Oui, je l'ai, ouais. Ah, c'est parfait. Bon, alors ce que je te propose, Romu, bouge pas, c'est que tu vas le filer au standard, on va l'appeler juste après et puis on va lui poser la question directement, ce sera encore plus simple. Romu, tu restes avec nous, ne bouge pas surtout. Allez voir la photo aussi sur le Facebook de l'émission avec la voiture caca, c'est la mienne, hein, un connard qui a décoré ce matin. Tiens, il y a un message qui est arrivé aussi qui dit où est-ce qu'il est, Mickaël, c'est Alexis qui dit Mickaël, tu es une voiture de merde. Merci Alexis, enfoiré. Licorne qui dit ah oui, j'ai vu la phrase, ça change tout. Il y a Megumi qui dit le mec qui a décoré ta voiture, je suis sûr que sa grand-mère, elle suce des nains. Merci Megumi. Et alors Jordan qui dit salut, c'est Jordan qui était chez vous dimanche soir de Corrèze et je vous fais de gros bisous, je pense à vous, vous êtes les meilleurs. Bah merci Jordan, merci beaucoup. Et alors Kawet qui dit personnellement je n'irai pas à une expo de trou du cul. Déjà que les expos normales ne m'attirent pas, mais là vraiment. Cécile également qui dit ah non, moi j'irai pas voir, il y a déjà assez de trou du cul comme ça autour de moi. Et enfin Megumi qui dit j'ai déjà entendu parler de cette expo. À ce qui paraît, Louis l'auditeur y était hier. Ah ça vanne ce soir, c'est bien ça. Allez, bon, 23h28, dans quelques minutes, on va faire le jeu de la rupture avec Justin et Nalia. Oh là là. Justin qui va vite couper sa radio parce que c'est juste insupportable. Hein, Justin ? Ouais, désolé. Parfait, t'inquiète, c'est pas grave. Nalia qui nous appelle de Sainte-Sèvre, c'est ça sur... Non, Sainte-Sévère. À Sainte-Sévère, pardon, dans l'Indre. Et puis Justin qui nous appelle de Tournai, c'est ça ? C'est ça, en Belgique, ouais. Parfait. Bon, bah Justin et Nalia, on va jouer au jeu de la rupture dans quelques minutes. Oui. Allez, vous connaissez le principe ? Ouais, pas de problème. Voilà, donc on va appeler quelqu'un au hasard, vous allez devoir avoir une conversation de rupture et il va falloir vous battre l'un contre l'autre et vous allez peut-être repartir avec vos 4 places pour aller au parc Astérix. Peur sur le parc et ça c'est beau. Bon, ben voilà, Nalia et Justin, ce sera dans quelques minutes, le temps d'écouter le son maintenant de Red Fou sur Fun Radio. C'est Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, 23h29, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h, bienvenue. Yeah. Chanson qui a été faite pour Toff, hein. Ouais. Let's Get Ridiculous. Oui, c'est mon hymne maintenant. Ah, ben complètement, ouais, complètement, ça va être l'hymne. Il y a monsieur Charlou aussi qui dit je viens de découvrir Mickaël No Limit, sérieux, c'est du lourd, les gars, c'est que des barres. Ah, bah merci, t'as pas encore écouté Toff, qui je rappelle également est acteur maintenant. Ah, bah ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Grand, grand, grand acteur avec du lourd, du très, très lourd. Oui, on a également des amis aussi qui sont avec nous. En tout cas, sois le bienvenu, monsieur Charlot, sur le Twitter. Il y a aussi Gabriel qui dit la seule expo de tour du cul à laquelle j'étais, c'était un match contre le PSG. Il y a Faustin qui dit voici une expo pour Toff, les trous du cul. Et puis il y a Vox qui dit allez, s'il te plaît, mon message de bienvenue. Ah, bah, je vais te le mettre maintenant si tu veux ton message de bienvenue. Ta gueule, connard. Voilà. Et puis Kawet aussi qui dit oui, il m'a fait rire, le mec. Déjà, il comprend pas que tu faisais de l'humour. Et en plus de ça, il fait des fautes. Gros lol. Ah oui, c'est lui qui a fait une remarque sur le fait que j'avais écrit. Ponctuation mais super mal exprès avec des guillemets en plus, et heureusement j'ai failli mettre sans guillemets. J'ai dit Apollo, je vais mettre des guillemets parce qu'il y en a qui vont croire que je l'ai mal écrit par hasard quoi, donc j'ai quand même vraiment bien mis les guillemets pour être sûr. Bon, on va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Nalia et Justin, vous êtes toujours là? Toujours là. Bon, ça vous dérange pas si on fait d'abord un petit appel là pour voir si si les gens seraient plutôt ouverts pour aller assister au Portugal à cette exposition de trous du cul? Vas-y, y a problème. Bon, est-ce que vous iriez trouver quelqu'un pour accompagner Toff? Bah voilà, est-ce que vous iriez à une exposition de trous du cul? Non. Bon, Toff. Bon, on va voir ce qui est bien. On va essayer. On va appeler. Oui, on va appeler. Bon, je vais voir si les gens veulent participer à mon exposition. Bon, c'est parti alors, on y va. Bougez pas, Nalia et Justin. Oui. On fait l'appel et on joue après. Allez. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais venir faire des photos de votre trou de cul. Ouais, ta gueule et ta mère, fille de pute. Je vois pas le rapport, monsieur. Ta gueule, connard. Mais enfin. Sarah, fille de pute. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi. Ta gueule. Et attendez, moi je. Ta gueule. Je veux juste faire une photo, monsieur. Dédé. Non, monsieur, c'est... De pute. Monsieur, calmez-vous. Ta gueule. Je veux juste faire une photo. C'est pour une exposition, monsieur. Non, il a raccroché. Attends, il a raccroché. On va le rappeler. Quelle violence. Nalia et Justin, il avait l'air tellement gentil, ce garçon. On va lui passer un petit coup de fil. Il est sur la direct d'entrée de jeu, là. Direct. Attends, on rappelle. Hey, non, il avait l'air tellement gentil, ce serait quand même dommage. Il faut s'arrêter en si bon chemin. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi je vous appelais. Non, on n'a pas été coupé, j'ai accroché. Bah, ça se fait pas, monsieur. Moi, je vous appelle pour vous proposer de faire des photos et vous m'accrochez au nez. Ouais, c'est ça, ouais. Donc... Je vais prendre des photos de ta mère. Non, après, on verra. Non, ta gueule. Je veux juste des photos, en fait, de votre trou de cul. C'est pour une exposition, monsieur. T'as vu comment il te parle, Tof? Alors c'est un petit là? Ouais, trop hein, mal. On va le rappeler, on va le rappeler. Non, mais attends, il est pas sérieux lui. Bougez pas, hein, Nalia, Justin. Oui. Ah, y'a pas de. On joue juste après. Bah, oui, excusez-moi, je sais pas si c'est passé, on a encore été coupé. Ah, c'est ça. Bah oui, parce que, en fait, pour vous expliquer, moi j'ai préparé une exposition de trous de balles. Et du coup, je voulais. Moi, je vais te couper la tête avec mon pénis, ok? Je suis pas sûr que vous y arriviez, monsieur. Je vais te couper la tête avec mon pénis. Elle était belle. Ouais, eh ben, je pense que ça va être un nouveau, ça va être un nouvel extrait, ça, de nos amis, des amis Tof. Je vais te couper la tête avec mon pénis. Bah, écoute, sauf s'il a une épée, mais je pense qu'il se la ramène un peu quand même. Enfin bon. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, évidemment. Donc, si vous avez des numéros, n'hésitez pas à nous les envoyer, bien sûr, sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Bon, alors, Nalia et Justin, vous êtes à tous les deux ? Toujours là. Oui. On va jouer maintenant à ce magnifique jeu qui est le jeu de la rupture. Le principe est très très simple. Il faut tout simplement appeler des gens au hasard, évidemment. Nalia, tu vas affronter Justin et inversement, fatalement. Le but est d'arriver à tenir une conversation de rupture le plus longtemps possible. D'accord. Ah, voilà, donc en gros, on va appeler quelqu'un et puis si c'est Justin qui joue en premier par exemple, eh ben tu vas devoir peu importe si c'est un garçon, une fille, un jeune, un vieux, on s'en fout, lui faire une bah lui dire écoute, voilà, ça peut plus durer entre nous, voilà. Bon après t'inventes n'importe quoi, mais il faut que ça reste une conversation logique de rupture. D'accord ? Ça va, pas de soucis. Honneur aux dames. Hein. Oui, bah ouais, bien sûr. Quelle hein, galanterie. Quel gentleman ce Justin quand même hein. Bon, Nalia, on va y aller, t'as compris le principe aussi sur ? Oui, oui, pas de problème. Bon, parfait. Eh ben, on y va, on appelle au hasard. Dès que t'entends plus la petite musique ici en dessous, là, dès que ça coupe, hop, vas-y, tu dis allô, ok ? Ok. Parce que parfois, on appelle des gens et en fait, ils décrochent, mais ils disent rien. Donc forcément, du coup, c'est un peu la merde. Allez, vas-y, on y va, bonne chance. Merci. Allez. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui ? Faut que je te parle, ça va vraiment plus. C'est qui? Ça peut plus durer entre nous. C'est. J'ai fait une grosse connerie. Mais tu es qui? Mais arrête de le faire exprès, tu vois très bien. Tu sais très bien que j'ai couché avec ton meilleur ami et là c'est tout. J'en peux plus. Il faut me dire qui tu es, parce que là tu me déranges à 11h du soir. Ça doit être une erreur de téléphone. Non, je peux pas me tromper, c'est impossible, j'ai réfléchi depuis, depuis toute la semaine et je décide, enfin, on s'en fout de ton prénom, mais c'est trop important. Mais tu appelles qui? Donc là, ils nous entendent pas. Hein. Bah, mon mari. Bah comment? Oui, mon mari. Non, ma femme est là à côté de moi dans le lit, alors c'est pas ton mari qui t'appelle, ça doit être une erreur. Oh, la merde dans le c'est trois fois que ça sonne, donc ça y est, c'est fini maintenant. Hein? C'est pas possible. Mais si c'est possible, c'est ma voix, je m'appelle Harry moi. Non hein? J'ai pas dit Harry, j'ai dit Marie. Bon. Toi tu t'appelles Marie? Oh là là. Non mais de toute manière je sais très bien que c'est toi. Pour te dire que c'est fini entre nous quoi. Oui d'accord, bah, y a pas de problème. Hein? Allez, salut. Oui. Mais non mais. Hop là, hop. Une 14. Une 14, Nalia. Pas mal. Ça, il va se faire dégommer par ça. Ah, l'autre, il va se faire. C'était qui? Ah, moi, c'était qui au téléphone? Oui, c'est ça, oui. Prends-moi pour un con. Prends-moi pour une conne. Bon, Justin, 1 minute 14. Bah, on s'en fout, Nalia. Ouais, c'est pour gagner un cadeau. T'en as rien à foutre de foutre la merde dans un couple, hein. Mais ouais. Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a sur les deux robes, Nalia? Ouais. On les connaît pas. Bon, Justin, ton tour. 1 minute 14 à battre. Ça va pas. On y va. Et alors, juste après la pub, il y aura la deuxième manche, évidemment. Donc. Si jamais. Avec deux manches, on peut faire un pull. Merci Polo pour cette vanne de merde. Enfin, je suis calme Oli sur les vannes pourries par contre. Parce que là, il y en a trop d'un coup là. Allez. Allez, Justin, dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi. Allez. Allô? Non, merde, je pensais que c'était toi. Non, attends, on va essayer un autre. Si ça décroche pas celui-là, c'est pas grave. Ah, top, là, on réessaye un autre en direct. Puis on aura Selena Gomez juste après. Allez. Oui, allô? Allô, chérie? Allô? Allô, chérie? Qui demandez-vous? Bah, c'est toi que j'appelle, en fait. J'ai eu un gros souci, je t'explique. Ma femme vient de rentrer de vacances un peu plus tôt. Je sais qu'on devait se voir demain. Mais elle est rentrée, elle a fouillé mon ordinateur et il y avait toutes nos conversations. Donc voilà, demain, ce sera pas possible de se voir. Et puis, là, j'ai composé ton numéro par cœur parce qu'elle a pris mon téléphone, elle pète les plombs, là, elle a explosé mon PC. J'ai plus rien, la porte contactée. Donc voilà, heureusement que je connaissais ton numéro par cœur. parce que voilà, mais ça va être chaud vraiment de se voir demain et je pense que je pourrai plus jamais venir te voir hein, parce que voilà, hein, notre petite aventure extra-conjugale, bah, c'est bien, on a pris du plaisir tous les deux, mais là je pense que faudra y mettre un terme. Ouais. Bah oui, franchement c'est dommage. Bah ouais, mais j'ai envie de te voir une dernière fois, tu vois, pour que quand même on fasse nos adieux correctement. Hein. Ouais, et quand? Je sais pas quand est-ce que ça pourrait t'arranger, je sais que t'es pas mal pris avec ton planning du boulot, mais... Hop, une minute 08 là, ah, il a raccroché, ah. Attends, bougez pas, on fait la suite dans quelques minutes là, restez tous sur Fun Radio, il est 23h42, on vient avec la nuit sans pub juste après ça. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement. Et je suis en retard, c'est pas grave. Allez hop, voilà, sur le film. Et ça y est, c'est bon, c'est fait. 23h46, on aura la suite dans un instant de la rupture sur Fun Radio. Avec Nalia et Justin qui se sont bien débrouillés, hein, Nalia et Justin là. Hein. Bah, on fait ce qu'on peut, hein, mais. Ah ouais, non, là vous avez. 6 secondes là, ça fait mal, hein. Ah, vous avez. Bah non, mais t'inquiète, il y a la deuxième partie, là. Il y a la revanche dans quelques instants, Justin et Nalia, là. Bougez pas de là. On va revenir avec vous. On aura la colle avec Ruben également pour gagner la PlayStation 3, bien entendu. Et puis, bah, plein de choses encore, hein. Je rappelle qu'on sera à Nancy en direct de la place Stan. Ce sera dimanche à partir de 17h. Si vous voulez venir nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas, évidemment. Vous êtes les bienvenus. Il y aura des cadeaux. Il y aura Toff avec sa balance et son maître, hein, pour faire les chiffres et les lettres, oui, en direct. Voilà. Et mon carnet. Et bah, bien sûr, le fameux carnet sera là. Donc, si vous voulez venir, vous êtes évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les bienvenus. Place Stan, ce sera à Nancy dimanche. On vous attend avec impatience et ce sera la première ville où on va démarrer le Tour de France. Donc, pour venir vous voir un petit peu partout tout au long de l'année, il faudra rester patient, évidemment. Bon, plein de messages qui arrivent aussi sur le hashtag Mickaël sur Twitter. Déjà top tweet en début d'émission. Oui, merci, oh là là, beaucoup. On est trop fort. Bah écoute, bah non, c'est surtout eux parce que nous, pour le coup, on fait pas grand chose à ce niveau-là. Bah oui. Donc, si vous voulez continuer, hashtag Mickaël, allez-y un maximum. Et puis, Selena Gomez qu'on écoute tout de suite. C'est Slow Down sur Fun. Bonne nuit, tout le monde. La belle Selena Gomez à l'instant sur Fun. C'était Slow Down. Il y a Fabienne qui dit à quand le remix du DJ Mimich. Work bitch motherfucker. Eh ben, on essaiera de le mettre avant la fin de l'émission, évidemment. Il n'y a plus de pub là jusqu'à la fin de l'émission, tranquillement. Guillaume qui dit excuse-moi Mickaël, je suis en retard, un gros coup de pelle. Bah oui, tu l'as bien mérité, ouais. Je te le confirme. Il y a aussi un message qui dit moi j'ai chié sur le palier de mon ex. Ah, très classe. Non, on en parle. C'est on, bon, ça. On en parle parce que ce matin j'ai retrouvé ma voiture avec un. Bah je sais pas, un mec qui avait foutu une espèce de papier journal. Je sais pas moi, comment on appelle ça Emballé. Mais non, il emballe pas un papier journal. Mais non, il avait le papier journal que tu froissais, quoi, tu vois. Oui, là, il a mis de la merde dessus dedans. C'est un cadeau. Voilà, la merde dedans, il avait tout foutu sur ma caisse. Donc du coup, il avait partout sur le capot et tout, il a encore. Hein. Vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission, j'ai mis la photo au facebook.com/mickaël officiel. Allez voir, hein. Et puis venez nous rejoindre également sur le Twitter. Je vous rappelle que si vous me faites un petit follow, bah moi aussi je vous follow par derrière les filles, évidemment. Et puis pour les mecs, une poignée de main comme d'habitude, vous tapez mickaël_officiel. L'underscore, c'est la petite barre, le petit tiret en bas. Donc voilà, mickaël_officiel, venez nous rejoindre tout simplement sur le Twitter de l'émission. Vous me faites un follow et je vous followerai avec plaisir. Il y a Giusto aussi qui dit t'as aussi avec la ponctuation, tu vas mourir enculé et tu vas mourir, virgule, enculé. Oui, c'est pas fait, c'est pas faux, effectivement. Ah, continuez votre taf, merci Vincenzo. Il y a Asmila aussi qui dit putain, je suis morte, il m'a tué le mec. Et Mathias qui dit le vanneur pourri l'émission, c'est Polo. Fabien également qui dit soirée de fou, trop de mémoire, trop de cul, trop de balles. Et après, on verra. Bon, on trouvera bien des trous, t'inquiète pas. Et Rich qui dit mort de rire, Toff, c'est un bon. Et Victoria qui dit moi je veux aller à l'expo des trous de cul avec Toff. Ah, donc, t'as rien à faire de ta life, toi. T'as rien à faire de ta life. Et avant de récupérer Nalia et Justin qui sont toujours là, on va se faire la colle maintenant avec Ruben. La colle, t'es là, Ruben? Ouais. Ruben, ouais, je suis là. Ah voilà. Oui. Bon, je rappelle qu'il y a toujours une PlayStation 3 à gagner avec le jeu Beyond Two Souls et le jeu The Last of Us. Pour la gagner, il faut répondre à la colle de Ruben. Ruben, nous t'écoutons. Alors, un train électrique va à Lyon et à Dijon. Dans quel sens va la fumée? La fumée, voilà. Donc, un train électrique va de Lyon à Dijon. Dans quel sens va la fumée? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et il y a un message qui est arrivé, je ne sais pas où elle va, mais je veux une PS3. Oui, mais ça ne suffira pas. On proposait à gauche. Ah non. Alors il y a Max qui proposait pour la question, elle va vers le ciel. Non plus. Non plus. Bon bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est donc également par le Facebook, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Ruben, tu as donné ta colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il ou elle repart avec les cadeaux, hein, PlayStation 3 et les deux jeux. Et si personne ne trouve, Ruben, ce sera pour toi la console et les deux jeux. On donne la réponse avant minuit 30. Ok, pas de problème. À tout à l'heure, Ruben. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, et on va accueillir également les auditeurs qui sont passés nous voir. Il y avait Tom, il y avait Elodie, il y avait Amélie. Ça va, tout le monde? Prenez le micro. Hein. Prenez le micro, pousse le bouton. Voilà, le bouton rouge, le bouton tout rouge, tout au rouge. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien. Et parlez dans le micro, comme moi, comme ça. Regarde, là, il faut bien la voir. Parle fort, n'aie pas peur. Oui, voilà, c'est comme si tu allais faire une pipe au micro. Faut pas hésiter. Voilà, pour pas faire la pipe au micro, hein, mais le prendre aussi près. Bon voilà, Tom qui est là également en pleine forme, qui est venu avec plein de trucs pour Sandro. Ouais, pour Sandro, un peu de chocolat, des Tagada. Des Haribo, des Tagada, du chocolat Milka. Je tiens le coup. Bah pourquoi? Bah je vais en prendre un, parce que ça vient de Tom. Mais oui. Il y a même, c'est quoi ça? C'est pour tremper les. C'est si pour tremper les chamallows. Oh là là là là, quel enculé. Alors que t'as vu, alors que t'es au régime, t'as vu comment il est? J'ai du Nutella, ouais. En plus, le Nutella est là? Oh non, là là, c'est un peu l'équivalent. Ah, c'est l'équivalent. Et toi, qui bouffe, qu'est-ce que tu bouffes encore à ce gros porc? Des chamallows. Oh là là. Enfin bon, mais trop bon. Bah oui, bah j'imagine. Ouais. Bon bah du coup, bah merci en tout cas pour la bouffe. Bah restez là aussi, hein, tant que vous êtes là, n'hésitez pas. Hein. Tom, il va se mettre sur les jeux Sandro. Et puis ils vont être bien là, comme ça va être parfait. Ouais, parce que l'inverse c'est pas possible. Ah non, l'inverse c'est pas possible, elle va le casser. Elle va le casser, effectivement. Et il y a un message qui dit de tibia. Je te soutiens pour ta voiture, ne t'inquiète pas, si tu viens à Nancy avec, on se mobilisera pour te l'entourer de papier cul, pour te l'essuyer. Ah merci, vous êtes cool, merci beaucoup. Il y a Dim qui dit en arrière. Ah oui, pour la fumée. Bah non, c'est pas ça non plus. Et Mathias qui dit follow moi par derrière. J'aime ça, je suis très sado. Oui, mais j'ai dit que c'était que les filles que je followais par derrière, Mathias. Et O'Neill sur Twitter qui dit comment tenter de gagner des places pour la soirée du 29 octobre à la Paris Games Week. Réponds-moi s'il te plaît. Et eh ben il suffit d'appeler maintenant. Voilà, t'appelles maintenant le 01 42 48 5000 ou alors le 02 851 4x0 pour la Belgique pour venir nous rejoindre à la Paris Games Week le 29 octobre pour le salon du jeu vidéo. On aura d'ailleurs l'occasion de tester en exclu total, et vous aussi si vous venez avec nous, la nouvelle PlayStation 4 et la Xbox One. Eh ouais, ça va être la grande classe, vous serez les premiers à tester ces deux consoles. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Bloody Valentine qui dit aussi: ah, j'ai loupé le début de l'émission, un coup de pelle. Ah bah bien sûr. Voilà, tiens dans ta gueule. Et puis t'as surtout début raté. Oui. Nalia et Justin qui ont fait leur début là dans le jeu de la rupture, n'est-ce pas tous les deux? C'était l'échauffement. Ah, c'était l'échauffement. Mais en tout cas, vous êtes bien débrouillés tous les deux, puisque Nalia a fait 1 minute 14 et toi, Justin, t'as fait 1 minute 6, je crois, c'est ça? 1 minute 08. Me vole pas des secondes, là, me vole pas des secondes. 1 minute 8, on a noté, t'inquiète. 14 pour Nalia et 1 08 pour Justin. Ah, voilà, c'est ça, très bien. Bon, alors, du coup, on va continuer maintenant. La première manche est passée. Le principe est toujours le même: appeler des gens au hasard et leur faire une discussion de rupture. Je rappelle donc que Nalia donc, a fait 1 minute 14. Justin, si Nalia au prochain appel fait moins d'une minute 14, tu devras simplement faire 1 minute 15 pour gagner. On prend évidemment le meilleur score des deux appels. D'accord? En revanche, si Nalia maintenant par hasard fait 1 minute 30, bah, tu devras faire plus d'une minute 30 également pour gagner. D'accord? Oui, ouais, pas de soucis. Bon, alors, on y va. Justin, du coup, on va commencer par toi maintenant. Hein. Ah, bah nickel. Eh ben voilà, c'est parti, on y va. On appelle donc au hasard, à toi de jouer. Si tu fais plus d'une minute 14, Nadia aura chaud au cul. Sinon, eh ben, elle sera plutôt tranquille. Bon, on y va, c'est parti. Allez, dès que ça sonne plus. Non, attends. Nalia? Oui. Finalement, on va commencer par toi. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis, comme ça, en cours de route, je me suis dit, bah, pff, sauf si Justin il est opposé. Non, ça va. Oh, quel gentleman. Allez hop, vas-y Nalia. Allez hop, on y va, à ton tour. Bon, comme ça, on tue pas le suspense. On y va. Dès qu'il n'y a plus de musique, Nalia, c'est à toi. Hein. Allez. Et oui, comme d'habitude, à 23h57, on galère toujours à trouver des gens. Allez hop, c'est pas grave, on va appeler le suivant. En même temps, j'ai peut-être raccroché au nez de celui qui allait décrocher. Hein, donc, c'est dommage, mais je mérite un coup de pelle. Voilà. Allez. On va récupérer Romuald aussi après avec sa copine qui a perdu la mémoire là. On l'a pas oublié. Allô? Allô, faut que je te parle. C'est C'est parce que derrière, en fait, j'ai fait une grosse connerie et j'ai accepté les photos et je suis tombée raide de la photographe et on a couché ensemble et je crois que entre toi et moi, c'est fini, là. Allô? Oui, je crois que vous avez fait un faux numéro, là, et vu l'heure, ça me gonfle un peu, là. Mais c'est pas possible, madame, parce que, enfin, je vous explique. Enfin, c'est pas possible. C'est toi, là, Catherine, je sais, non, c'est pas possible. J'ai attendu une semaine avant de dire, c'est pas possible, là. Je peux plus attendre, ça me stresse depuis le début, et voilà, quoi, fallait que tu le saches. Je voudrais juste, enfin... Ouais, moi, je vais juste te dire, t'oublies mon numéro de téléphone déjà, je m'appelle pas Catherine, et je te dis que tu fais un faux numéro, donc mon numéro, tu l'oublies. Mais c'est pas possible. Eh ben voilà, te casse pas la tête. 59 secondes, Nalia. Putain, je suis dans la merde. Bah t'es pas dans la merde, t'as fait une minute 14, c'est pas mal. Maintenant si Justin passe au-dessus de la minute 14, par contre c'est lui qui gagne. Hein. Bon, Nalia, oui. Est-ce que le cadeau partira dans l'Indre à Sainte-Sévère ou chez Justin à Tournai? On verra. Justin, allez à ton tour, c'est parti, 1 minute 14. Score à battre. J'ai merdé. Eh oui, Justin. Ouais, je suis toujours là. Ah bon, très bien, j'ai eu peur. Bon allez, vas-y, c'est parti. Il se concentre. Bah oui. Allez. Allô? Oui, allô? Allô? Ça va, mon poussin? Pardon? Ça va, mon poussin? Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai une galère de fou, là. On devait se voir demain, mais ma femme est rentrée cet après-midi, là, plutôt de vacances. Et donc, bah voilà, tu vois, elle est rentrée plus tôt, elle a été voir sur mon ordinateur et tout ça, elle a vu nos conversations et elle a un peu pété les plombs, quoi. Elle a explosé mon PC contre le mur, elle a pris mon téléphone. Tu dois faire erreur parce que moi j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Mais c'est qui à l'appareil? Oh, raccrochage en pleine gueule. Ah oui, raccrochage en pleine gueule, Justin, après 30 secondes. Ah, il était pas chaud. Ah non, là, il était pas chaud. J'aurais eu plus facile avec la femme, je pense. Bah ouais, bon. Mais bon, là, malheureusement, c'est merdé, pas de chance, là, c'est dommage. Ben, Nalia. Oui. C'est gagné. Oui. Eh ben, bravo, Nalia. Merci, hein. Bah écoute, avec plaisir, hein, écoute, pas de problème. Bon bah Justin, malheureusement, bah c'est perdu, donc tu repars, on va te filer un pack, on va quand même te filer un pack fun, Justin, d'accord? Vous donnez encore des compiles fun ou pas? Ah, il en reste des compiles Starfleur 2014? Bah on va s'arranger. Oui, on va s'arranger, si on va t'en mettre une, tu vas noter sur le papier que j'ai décidé qu'on lui en offrait une. Et puis Pedro, là, il n'y a pas à nous faire chier, hein, ouais. Il va reprendre celle qu'il avait gardée pour sa petite cousine et puis on la fera pour toi. Sous chef. Voilà, le Je voulais juste faire une petite pub si je peux me permettre pour une boîte de nuit. Bah vas-y, c'est quoi la ça boîte dépend, de nuit? On a conçu à volonté si on y va. Bah, tu peux venir, mais bon, à tourner ça fait un peu loin pour bah, vous. Ouais, mais c'est pas grave, tu rigoles ou quoi? Si à conçu à volonté, voilà. On peut venir. Il nous connaît pas. Ouais, vas-y, c'est quoi la boîte? C'est le Pulse Café, en fait, qui a fermé la semaine passée parce que là on réouvre dans des nouveaux locaux là et ça va être 5000 personnes, ça va être le nouveau Mega Dancing de Belgique à mon avis, ça va d'accord. être un truc de fou. Donc voilà quoi. Bon bah très bien, donc ben, comment on ça s'appelle boire un verre. Exactement, comment ça s'appelle tu m'as dit? Le Pulse Café, très bien. Eh ben écoute, avec plaisir. C'est dans les anciens locaux de la bûche en fait. Ah d'accord. Oui, tous ceux qui habitent dans la France de toute façon connaissent quoi qu'il arrive à mon avis. On viendra en couper une ou deux. Ouais oui. Donc là c'est jeudi, samedi, c'est l'inauguration, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Hein. De toute façon, écoute, vous demandez après moi à l'entrée. Et bah, très voilà, bien. Il n'y a pas de souci. Et bon, garde le nom, Justin. Merci en tout cas d'avoir participé. Tu restes au standard. On va te filer le pack fun comme promis chez Sandro. Salut, Justin. Il n'y a pas de souci. Salut, allez, bonne soirée. Ciao. Et Nalia, toi, tu repars comme promis avec les places pour le parc Astérix. 4 places, donc tu vas gérer ça avec Sandro. Standard, Nalia, je te fais des bisous. Je vous remercie énormément. Et bah, avec grand plaisir, Nalia. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt, bisous. Salut, Nalia. Ciao. Et ben, voilà une bonne chose de faite là. Mais hein oui. Tranquillement, il y a plein de messages qui arrivent aussi. Tiens, Lucas qui dit j'ai loupé le début de l'émission, je mérite un coup de lance-flamme. Ah ouais, je te confirme. Attends, il est où mon lance-flamme? Il est là. Voilà, il y a Eva aussi, la blouse qui dit j'adore le jeu de la rupture, c'est trop drôle, gros fou rire dans mon lit. Il y a Megumi qui dit coup de pelle à Mickaël et Polo, une envie comme ça. Bon bah juste à Polo alors. Voilà. Et alors il y a Alex qui dit la belle merde sur la voiture, navré pour ta golf. Oui bah merci Alex. Il y a Dim aussi qui dit je te coupe la tête avec mon pénis, ça va tuer. Et Les Beflix qui dit bon appétit au finou. Oui bah t'inquiète pas, il a bien bouffé là déjà. Et Blondie Valentine qui dit ah j'ai loupé le début de l'émission, coup de pelle, t'en as déjà eu une tout à l'heure. Je rappelle que Sandro est au régime, c'est le prince India qui a envoyé un message. Oui, effectivement. Et Mathias qui, tu peux me couper la tête avec ton pénis, Toff? Je peux essayer. Voilà, Amy, mort de rire, le mec, ta gueule, mort de rire. Moi, je veux bien aller avec Toff. C'est Chloé qui avait envoyé le message. Mais avec plaisir, Chloé. Eh ben voilà, pas de problème, puisque je rappelle que nous sommes tombés sur un charmant auditeur. Enfin, c'est pas un auditeur, justement. Charmante personne qui proposait avec plaisir de faire ça à Toff. Je vais te couper la tête avec mon pénis, ok? Qui est con celui-là. Bon allez, minuit 3 sur Fun Radio. On va se faire dans quelques minutes les teubés de la télé. On va récupérer le Romuald. Toujours là, Romu? Je suis là. Bon, on va appeler ta copine dans un instant, hein, qui a perdu la mémoire et donc qui du coup ne se souvient pas de toi comme par hasard. Ouais. Bizarre. Étonnant, effectivement, Romuald. Donc reste avec nous. Et puis je vous rappelle qu'il y a évidemment toujours la photo de ce connard qui a foutu du caca sur ma voiture, hein, ce matin quand je me suis levé. Donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. Et il y a également la photo de l'iPad Air que je vais pas tarder à vous offrir également. Donc si vous voulez venir voir, bah likez, partagez, venez voir aussi à quoi il ressemble. Il est juste énormissime. Enfin, il est super fin plutôt, pas énorme, au contraire, c'est fin. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Et puis on s'écoute le son d'Ellie Goulding maintenant sur Fun Radio, au cœur de la nuit, sans pub. Ellie Goulding avec Burn, il y aura Kesha et Pitbull tout à l'heure également là. Et puis minuit 4, on est à la cool sur Fun Radio, c'est les teubés de la télé qui arrivent juste après ça. We don't have to worry about nothing. C'est Fun Radio, Ellie Goulding. À l'instant sur Fun Radio, c'était Burn. Bienvenue, bonne nuit tout le monde. Et on est au cœur de la nuit sans pub. C'est comme ça sur Fun Radio la nuit. Il y a Lilo qui dit, moi j'irai au bout du monde avec Toff. Mais non, toi t'as bien de la merde dans les yeux, Lilo, toi. Hein, alors là, on va où tu veux, Lilo. Ouais, il y a fan de Mickaël qui dit, message de bienvenue s'il te plaît, avec plaisir. Un petit message. Ah ben on va mettre le nouveau, tiens, premier passage comme message de bienvenue. Je vais couper la tête avec mon pénis, ok? Voilà. Il y a OM Chacha Slide qui dit la ponctuation. Alors attention, elle mange une glace au café avec la virgule, ça donne elle mange une glace au café. Ah oui, oui, elle mange une glace qui est au goût café, et puis l'autre, elle mange une glace alors qu'elle était en train de la manger dans un café. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'avais demandé effectivement si vous avez des phrases en déplaçant les virgules, est-ce que ça changeait tout? Comme je l'ai mis sur le Facebook cet après-midi, facebook.com/mikaelofficiel. J'en ai une. Toff est un gros connard. Toff est un gros connard. Ah bah non. Non, ça change pas. Ça veut dire la même chose. C'est de toute toujours façon. Un gros connard. Exactement. Il y a Enzo qui dit, ça fait une semaine que j'avais pas écouté, ça mérite un coup de pelle. Bah même deux, tiens. Non mais une semaine, t'es sérieux là quand même? Et Monsieur Charlou aussi qui dit, ah ouais, il est crème l'iPad Air. Et juste en passant, une tuerie, ce sont tout ce que j'aime. Bah écoute, c'est parfait. Bah on va vous le filer bientôt l'iPad Air là. Il sera gagné sur Fun dans Mickaël de Limite évidemment. Et Sullivan qui dit, salut, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît. Mimich, non mais comment t'expliquer Sullivan? Je m'appelle pas Mimich, je m'appelle Mickaël. C'est DJ Mimich qui remixe le Britney Spears, mais c'est pas pareil. Ouais, mettre ma bite dans ton trou du cul. Voilà, Sullivan, tu voulais un message de bienvenue. Bah bienvenue. Et Megumi qui dit, mais qu'il est bête, comment peut-il croire que le grand Mickaël peut faire des fautes d'orthographe? Non, si, ça m'arrive quand même parfois. C'est surtout parfois des fautes d'attention et j'oublie souvent des mots. Ouais. Mickaël, ma sœur, viens vous écouter avec moi. Un message de bienvenue serait le bienvenu également. Oui, si tu veux. Alors. Mais tu dois te faire foutre et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu me casses les couilles là? Et bah voilà. Et Quentin qui dit, Toff, futur grand acteur. Oh là là, quel grand acteur évidemment. Oui. Pour ceux qui avaient loupé ça, c'était dans le canular qu'on avait fait jeudi et qu'on avait rediffusé. D'ailleurs dimanche. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Ah oui, c'était du très j'adore. Très lourd. T'avais écouté j'adore. Steven ou pas toi le passage? Ouais, carrément, ouais. Oh, carrément. C'était de la tuerie. Je vous écoute, ça fait un mois et demi, deux mois tous les soirs. Non, quel courage. Ouais, non, franchement, le bouclier, c'est énorme. Bon, ben c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Bon, Steven, on va faire encore un petit appel avec Toff là. Est-ce que tu irais dans une expo comme au Portugal, une expo de trou du cul? Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, hein, c'est après tout, on sait jamais. Bon, on va donc appeler, on va parler de quoi dans quelques minutes, Steven, avec toi? Et en fait, moi, je travaille dans un hôtel et un soir, en faisant le room service, en fait, je me suis retrouvé à livrer deux bouteilles de champagne à des Chinois. Et en fait, quand je suis rentré, ils étaient en pleine partouze. Parfait. Bah, on en parle dans quelques minutes, Steven, ne bouge pas. Surtout, tu vas donner l'adresse de ton hôtel, okay, on va venir, quoi. Ouais, Toff, il veut venir, t'inquiète pas. Ah, moi aussi. Il aime bien les Chinois, y a pas de problème. Bon. Chinoise. Ouais. Bon, Steven, on fait quelques petits appels. Maintenant, on va récupérer Romuald pour appeler sa copine, pas trop tard quand même. Et puis, bah, donc, je rappelle qu'au Portugal, il y a une nouvelle expo qui a démarré, donc une expo du trou du cul. Alors, c'est pas des mecs comme Toff, bien évidemment, c'est une expo. Position artistique où un mec a décidé de faire des photos d'anus, ouais. Et il les expose. Voilà, ah, c'est sympa. Bah oui. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on appelle des gens, hein, des amis de Toff, des futurs amis de Toff, afin de voir si ils seraient ouverts éventuellement à faire cette exposition. Ouais, et cette exposition de trop du cul. Donc bouge pas, Steven. On te reprend juste après. Ok. Allez. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aurais souhaité faire des photos de votre trou de cul. Pardon ? Ben voilà, en fait, je prépare une exposition en fait de trous de balles, hein, donc des grandes photos très très larges, mais juste de trous de cul. Et j'aurais voulu venir faire une photo du vôtre. Mais bien sûr. Je vous passe mon mari, vous allez voir ce qu'il va vous dire. D'accord, très bien. Ben... Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, j'expliquais à votre femme que je voulais venir faire une photo de son trou de cul. Et mon point dans ta gueule ? Pourquoi cette violence, monsieur ? C'est une photo artistique, c'est pour une exposition. Et puis moi, t'as qu'à prendre le cul de ta femme aussi pendant que tu y es. Mais... Et après, tu la mets dans ton expo et tu viens pas nous faire chier, d'accord ? Mais ça, c'est déjà fait, monsieur. Mais c'est parce qu'une seule photo, ça fait un peu léger pour une exposition. Eh ben, tu vas prendre celui de ta mère, celui de ta soeur, celui de ton clébard. Non, je ne fais pas les chiens, je ne fais que des hommes, monsieur. Eh ben, moi, ça m'intéresse pas, bah, t'as qu'à prendre le tien. Ben, je peux pas, monsieur, c'est un peu compliqué de faire une auto-photo, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, tu te prends dans un miroir, couillon. Non, ben non, parce qu'alors, du coup, ça enlève tout le côté artistique de la photo, monsieur. Eh ben, j'en ai rien à foutre de ton artistique, là. Bah oui, mais alors que si je venais faire une photo chez vous, ça serait sympa. C'est dit, si vous êtes jaloux, je peux faire une photo du vôtre aussi, hein, y a pas de problème. Non merci, ça m'intéresse pas, moi. Bah oui. Sinon, t'as bien des potes qui pourraient te le faire. Bah oui, mais je préférerais faire celui de votre femme, monsieur. Bah non, tu vas te faire enculer, puis c'est tout. Monsieur, pourquoi autant de violence ? Bah parce que vous êtes un bouchon, c'est tout. Mais non, monsieur, je suis un artiste photographe, ça n'a rien à voir. Bah un photographe comme ça, bah... Y a plein de monde, là, y a plein de putes, là, dans le quartier, là. Je vois pas le rapport, monsieur. Ah, tu vas prendre une photo d'une pute, ça fait pareil. Bah, oui, ça fait pareil, mais ça ne fait qu'un cul, alors qu'il m'en faut plusieurs. Ah oui, non, mais il a raccroché. Alors, une seconde, on va le rappeler, hein, il avait l'air tellement gentil. Ah bah oui, oh là là. Petit rappel, tu ne bouges pas, Steven ? Non, je bouge pas, je suis là. Parfait, on rappelle, alors reste avec nous, Steven. Il avait l'air tellement gentil, ce monsieur. Mais oui. Allô ? Allez. Oui, je m'excuse, mais on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est moi qui a raccroché. Bah, ça se fait pas, monsieur. Bah, si, ça se fait. Bah, non, on n'avait pas fini. Bah si, moi j'avais fini. Bah moi j'avais pas fini, monsieur, parce que j'étais en train d'essayer de vous convaincre de venir. Non, bah non merci, ça m'intéresse pas, tu vois, là c'est tout. Bah oui, mais enfin monsieur, vous pourriez faire un effort. Bah non. Bah pourquoi, monsieur ? Bah parce que vous êtes un espèce de pervers. Mais pas du tout, monsieur, c'est une exposition artistique. Bah si, vous êtes pervers. Bah, j'en ai rien à foutre, moi, de votre artistique. Peut-être que vous en avez rien à foutre, mais enfin monsieur, c'est juste une photo, vous pourriez faire un effort. Vous baissez votre pantalon, vous écartez les fesses, on n'en parle plus. Bah tant qu'à faire, tu vois. Tu t'appelles un de tes potes, ou ta femme, ou ta mère, ou ta sœur, même ton clébard, tu vois, j'en ai rien à foutre, mais tu vas pas me péter les couilles à ce temps-là. Mais je veux pas vous péter les couilles, monsieur, je veux juste faire une photo de votre cul. Vous me péter les couilles au téléphone. Mais pas du tout, monsieur. Bah si. Mais non, je vous appelle pour faire une photo de votre trou de balle. Mais j'en ai rien à foutre, t'as qu'à prendre celui de ta mère ou celui de ta sœur. Le mien, moi, il est réservé à personne. Non, mais ouais, c'est... Moi, il y a marqué « nous rentrer ». Mais je veux pas rentrer, monsieur, je veux juste prendre une photo de l'extérieur. Mais j'en ai rien à foutre, moi, mon cul, il est personnel. Oui, ben c'est pour ça, monsieur, je vais peut-être faire de votre cul une star. Mais j'en ai rien à foutre que mon cul soit une star. Oui, d'accord, mais enfin bon, ça pourrait être bien quand même sur votre CV. Mais mon CV, qu'est-ce que t'en fais ? Hein ? Peut-être que vous pourriez, avec le temps, devenir une doublure. Une doublure de cul, non, mais t'es vraiment grave, toi, hein. Bah oui, une doublure cul. Bah n'importe quoi. Et tu veux pas une photo de ma bite non plus ? Non, je fais pas ce côté-là, monsieur. Je ne fais que l'arrière. Eh bah t'as qu'à prendre l'arrière-train de ton clip. J'ai pas de chien, monsieur. Eh bah je sais pas, moi, t'as qu'à aller dans les champs prendre l'arrière-train d'une vache, ça fait pareil. Bah non, ça fait pas pareil, parce que si je fais une exposition de cul humain, monsieur, ça n'a aucun rapport. Eh bah, tu fermes ta gueule. Il en a eu marre, le fou. Ah ouais, là, il en pouvait plus à la fin. Il en pouvait plus, là. Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Bon, Steven, dans quelques minutes, on va récupérer Ruben d'abord, là, pour faire encore un petit coup la colle. Allô, Ruben ? Ouais, je suis là. Ouais, t'es très bien. Alors, Ruben, vas-y, fais péter encore une fois la colle pour gagner la PlayStation 3 qu'on offrira d'ici un gros quart d'heure. PlayStation 3, le jeu de Last of Us. Et en plus, on vous met le jeu Beyond Two Souls. Bon, vas-y, Ruben. Alors, un train électrique va à Lyon et à Dijon. Dans quel sens va la fumée ? Un train électrique va à Lyon, donc un train électrique part de Lyon et va à Dijon, dans quel sens va la fumée, c'est ça ? Exactement. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace votre réponse, vous envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique, je vous souhaite bien sûr bonne chance, et puis vous repartirez peut-être avec la PlayStation 3 et les deux jeux qui vont avec, le principe étant simple, soit si vous avez la bonne réponse à la colle de Ruben et que vous êtes tiré au sort, vous passez à l'antenne avec nous, elle est pour vous, si personne ne trouve la bonne réponse, Ruben, elle est pour toi. Un peu compliqué que ça, quoi. Hein. Bon, allez-y. Et Mickaël espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier également que vous pouvez avoir l'énoncé sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et venez nous rejoindre également sur le Twitter, bien sûr, et l'Instagram, bien entendu. Vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Vous me faites un follow et moi, je vous follow également avec plaisir. D'ailleurs, Ruben, t'as déjà fait un petit follow sur le Twitter, Instagram et le Facebook ? Ouais, bien sûr. Bon, t'es sûr ? Pas Instagram, mais Twitter et Facebook, oui. D'accord, bon bah très bien, bah, Instagram, il va falloir venir nous rejoindre, voilà. Et je t'ai bien followé, Ruben. Ouais. Bon, très bien, comme quoi, il y en a un qui me dit « Ah oh, putain, t'as dit à l'antenne que tu followais, tu m'as followé, bravo !» Bah, je dis oui. Pourquoi, je vais pas vous mentir, hein, quand même. Bon, bah Ruben, reste avec nous, on donne la réponse dans un petit quart d'heure, donc reste là, tu sauras dans un quart d'heure si tu repars avec cette PlayStation 3 ou pas. Romuald. Oui. Bon, on va appeler ta copine maintenant, puisque nous avait appelé Romuald en début d'émission, bah pour nous dire que ta copine avait perdu la mémoire et que du coup, comme par hasard, elle se souvenait plus de toi. Non. Bizarre. Bah, c'est quand même étonnant. Très étonnant. Quand même. Bah oui, c'est quand même très très étonnant même. Bon, et du coup, quand tu parles avec elle, elle te prend vraiment pour un inconnu ou il y a quand même des trucs qui lui reviennent Bah, il y en a quelques-uns, mais à part après, elle me dit je suis en couple depuis 6 mois apparemment. D'accord, bon ça je savais pas non plus. Ouais mais c'est ça, elle a un autre mec et elle te fait le coup du je me souviens pas de toi. Ouais il y a peut-être de ça ouais. C'est juste pour pas expliquer à son mec qu'en fait il y avait toi. Ou alors c'est toi qui a un problème de mémoire. Ah peut-être que c'est toi qui as perdu la mémoire en fait. Peut-être que t'es jamais sorti avec elle Ah si j'étais venu, je suis venu chez elle, elle m'a même demandé de venir. Et puis j'étais le courage, j'étais chez elle quoi. D'accord, bon et t'es resté combien de temps avec elle en théorie? Normalement ça a duré un jour, après ça hop ah ouais, là, ouais. Là. Ah ouais vous êtes passé ensemble. Et après c'est sa pote qui a pris le relais, qui m'a parlé ouais pourquoi tu fais ça, elle a changement pour toi et tout. Ouais mais parce que t'es resté un jour avec elle quand même hein. Ça c'est de la relation C'est dur quand même de mettre un terme à une relation d'un jour. Ouais. On fait ça comment dans les noces? C'est les noces de. C'est les noces de merde. De cochon? Les noces de caca? C'est les noces, voilà. C'est les noces de paix. Mais bon, d'accord, ok. Alors, parce que tu sais qu'on peut très bien l'appeler maintenant et elle va peut-être s'énerver. Hein. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Peut-être. Mais en plus, un appel masqué peut être démasqué. Ah bah, donc je tiens à le rappeler. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Effectivement, donc, ça c'est vrai. Bien. Bon, écoute, on va l'appeler alors. Ouais. Tu lui parles ou on fait comment? Bah je préfère toi que c'est toi qui lui parles. Ah bah c'est mieux comme ça, on voit au moins que t'as toutes les colonnes. Putain, un jour, waouh. Ouais non parce que c'est vrai. Non c'est une grande histoire, tu vois, tu m'aurais dit on est sortis ensemble 2 heures, je t'aurais dit vas-y laisse tomber, mais là il y a quand même une journée quoi. Non c'est fou, c'est hardcore quoi. Non mais bon, je veux dire, c'est dur de se remettre d'une relation d'une journée. C'est ça. T'as vu un psy ou pas? Mais ouais, est-ce que t'étais en kiff sur elle vraiment? Ah oui forcément. Ouais j'ai eu le coup de foudre moi en fait. Bah ouais t'es amoureux toi. Non mais il est amoureux lui hein. Ouais, non, quand t'as flashé, quand t'as flashé, t'as flashé. Ah, bah, ouais. Ah oui, quand tu flashes, effectivement. Bah, oui, Et puis c'est l'appareil photo. Ce qui est bizarre, Attendez, quoi, de quoi? Ce qui est bizarre, c'est qu'elle se souvient de son copain, son meilleur ami en fait. C'est étrange. Ouais. Oui, c'est très étrange. Mais ils sont meilleurs amis depuis combien de temps? Mais depuis le collège, elle le connaît en fait. Ah oui, bah oui. Ouais mais depuis le collège par rapport à une journée, franchement je comprends pas. Ouais moi non plus c'est pas non. Écoute. Bon écoute ce que je te propose c'est qu'on l'appelle, alors tu veux que je lui parle alors? Ouais c'est mieux ouais. Bon bah écoute donc t'as eu le coup de foudre toi c'est vrai hein? Ouais bah oui. D'accord. Bon écoute alors on va l'appeler. Ah oh, ça arrive. Comment est-ce qu'elle s'appelle elle? Christelle, d'accord ok. Et elle a eu le coup de foudre ou pas? Ah bah visiblement pas. Enfin si mais c'est ça qui me fait perdre la mémoire. Ouais, elle l'a pas eu vraiment, je pense, je sais pas. Ouais. Elle a eu à demi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la foudre est descendue, elle s'arrêtait en plein milieu, elle s'est dit, oh, pff, non, finalement, je rebrousse le chemin. Je fais marche arrière. Elle est passée par le paratonnerre, du coup. Oh, ça a voilà, je pense. Bah, il y a peut-être de ça. Bon, écoute, mais cela dit, Romuald, si tu veux un vrai conseil, il serait plus judicieux de l'appeler toi-même. Je t'explique. D'accord. Je t'explique. Parce que si tu l'appelles toi-même et que par miracle elle se souvient de toi, bah elle va dire bon moi le mec il me parle, tu vois. C'est pas parce que sinon si c'est moi qui parle, ça veut dire le mec il a même pas eu les couilles de me parler. C'est un bouffon, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et puis on va plus se marrer. Ouais. Non mais c'est vrai. Et puis au bout d'une journée, vous êtes quand même des gens, vous connaissez vous êtes bien copains, quoi. Comme cochon. Bah oui. C'est ça. Bah ouais, tu connais tout d'elle en une journée, je veux dire. Qu'est-ce que tu connais d'elle? Vous avez déjà fait quoi ensemble? Bon en fait on a rien fait, c'est même pas embrassé, on en connaît même pas. Mais t'avais déjà tes habitudes et tout, t'avais mis ta brosse à dents ou pas? Est-ce que vous aviez déjà acheté le monospace? Bah, je sais pas, je voulais faire, mais elle a pas voulu. Ah bah non, bah je comprends. Enfin non, je comprends pas, putain, tu proposes un monospace et... Mais vers 16h, tu l'as, parce que la journée... Ouais. Est-ce qu'en une journée, les heures passent de la même manière? Non, je sais pas, non, ça, non. C'est différent. Hein. Ah oui, mais c'est différent par rapport à une autre heure ou par rapport à un autre jour? Une autre heure. D'accord, donc c'est différent. Donc d'une heure à l'autre, c'est différent quand c'est une journée que d'une heure à l'autre sur plusieurs jours. Bah oui, quand même. Ouais. D'accord. Évidemment. Non, mais il fallait l'expliquer parce que c'est des trucs comme ça, tu vois, nous on rigole, mais si on connaît pas toutes les infos, là on les a toutes. Oui. Voilà, bon, écoute, alors on va l'appeler. Du mal à les mettre bout à bout quand même. Bon, on va l'appeler maintenant. Il y a Lilou qui dit: j'espère que dimanche il fera beau pour la bite collégienne. Si je viens tomber malade, je vous fouette tous. La sadomasochiste. Lilou, qui t'a demandé de venir en habit de collégienne, bien que j'ai bien une idée, mais Non, c'est son idée, moi. Ouais, ouais. Et ah bien, oui, bah, bien sûr, en citrouille. Bien sûr. Et en plus. Et il dit c'est son idée. Vous savez comment on l'a piégé? Ouais. Ah. Mais non, je l'avais vu sur Twitter, mais ouais, arrêtez. Ouais, c'est ça. Je lui ai rien demandé. Bon, et donc on va l'appeler maintenant. Comment elle s'appelle? Dis-moi, Romu. Ça n'est qu'à moi, elle viendrait nue. Christelle. Christelle. Bon, on y va, on l'appelle. T'es chaud, t'es bouillant là? Ouais, c'est bon. Bon, et continuez, hashtag et Mickaël sur le Twitter. N'hésitez pas à donner vos avis, à réagir en direct. Je lis les messages directs. Alors, il y a un message de Boulibille qui dit: il y a un message de bienvenue, comme je suis un nouveau. Avec plaisir, Boulibille. Attends, je vais t'en mettre un, tiens. Je vous emmerde. Voilà, et Flavien qui dit: avec la ponctuation, elle goûte, virgule, ma bite. Et sans ponctuation, elle goûte ma bite. Bonne soirée, toute l'équipe. Merci, Flavien. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il y a Léa qui dit: une journée, il a fait fort, le mec, quand même. Oui, oui, c'est vrai que t'as quand même été pas mal. Tenir une journée, c'est un record, quoi. Et je pense qu'il pourrait appeler Guinness Book. Kawet qui dit: toutes les grandes histoires d'amour commencent par une journée. Oui, mais se finissent rarement avec une journée. les noces de paix égale un jour, c'est Christopher. Et Licorne Rose qui dit: j'en peux plus, vous êtes trop fort. Et Enzo qui dit: un message de bienvenue pour mes potes qui viennent de découvrir l'émission grâce à moi. Eh ben, Enzo, avec plaisir, le message de bienvenue. Merde, je l'ai perdu. Hop, il est où mon message de bienvenue? Une grosse salope. Eh ben, voilà Enzo. Et Xavier aussi qui dit: Luc, c'est le champion du monde. Et Alexandra qui dit: le sens de la virgule. Tof suce des nœuds naturellement. Tof suce des nœuds naturellement. Voilà, c'est vrai. Comme quoi, finalement, une virgule et ça change tout. Bon, on y va, Romuald, on l'appelle. Ou alors on met d'abord. Oui. Non, on va plutôt d'abord mettre Kesha avec Pitbull pour se remettre un peu de ces émotions. Par contre, Mickaël, tu pourrais me repasser quand même Sandro pour voir si je me suis pas trouvé le numéro. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, parce que tu l'as pas en mémoire, je comprends. Bah, je comprends. Mais n'hésite pas. Hein. Et ben, je te renvoie chez Sandro, Romuald et on appelle juste après, d'accord? Ça marche. Parfait. Steven, tu penses que ça va se passer comment, toi? Bah, Steven, comme vous voulez. Non mais Romuald, je parle. Tu crois que ça va se passer comment? Je me doute bien que c'est moi qui décide. Moi, je pense qu'il va, il risque de se prendre un gros râteau. Enfin, et mon avis, elle va se foutre de sa gueule, je pense. Bon, écoute, moi, je pense qu'il va prendre toute la jardinerie, hein, pas juste un râteau. Ouais, il y a de fortes chances. Bon, écoute, alors ne bouge pas de là. On va revenir juste après. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le principal, c'est que vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Exactement. Ah ouais, ça, je le sais. Ça. Ah bah c'est le principal, Steven. Allez, tout le monde sur le cheval. Et on va faire un tour au Texas avec le son de Pitbull et Kesha maintenant. Oh yeah! C'est Timber sur Fun Radio. Merde, j'ai trompé de bouton. Allez, on va le refaire, je l'ai tué là. On refait. Ah ouais, mais j'ai tué, je voulais couper le cheval, j'ai coupé le titre. C'est dommage quand même. Yeah. Allez, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Kesha et Pitbull ont fait un tour sur le cheval au Texas. On revient juste après. C'est Timber sur Fun Radio. It's going down. Et voilà, Kesha le son sur Fun Radio avec Timber. Bah pourquoi ça marche pas? Ah si, voilà, hop là. Décidément. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bah allez-y, profitez-en, c'est le numéro pour joindre le standard. Il y a Sandro qui décroche, il y a Guillaume aussi qui dit: demain le réveil va être très dur, je me lève à 5h pour partir en formation KFC. Oh, tu as bouffé du poulet, tu vas être à la cool. Bah c'est bon. Par contre, une fois que t'es pris, t'hésites pas à nous dire où tu vas bosser, hein, on passera te voir. Hein. Bien sûr, on viendra manger. Avec plaisir. Il y a Kawet qui dit: ouais, bon, on a compris que tu voulais qu'il aille demander à sa mère et sa sœur. À sa mère, ça. Oui, c'était le mec que je viens d'appeler. Ah oui, oui, pardon, oui, c'est vrai. Il y a Traoré Papy qui dit: un message de bienvenue, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Attends une seconde. Mais putain, va te faire enculer, la fille de putain. Voilà, c'était notre ami asiatique. Bon, et puis on va parler aussi, là maintenant, c'est vrai que j'en avais oublié d'en parler, d'habitude ça se fait à minuit, mais bon. Les teubés de la télé, évidemment, dans 7-8 mois, si tu peux, j'ai appris une nouvelle expression, mais je sais pas si c'est positif. ou pas en fait. Mathieu, vous aimez hein, Mathieu hein. Ah bah on peut dire que celui-ci il dort pas dans la baignoire. Ah oui oui c'est ça, c'est dire que celui-ci il dort pas dans la baignoire. Et alors il y a aussi dans la boîte à questions, la grand-mère de Nabila qui essaye de faire bah, comme sa petite fille en fait tout simplement. Que donnerait le nom mais allô quoi prononcé par la grand-mère de Nabila? Non mais allô quoi. Ah oui, oui, comme quoi finalement c'est dans la famille hein. C'est, ouais, c'est ça, au moins c'est on bah, sait où moins, ça vient. Exactement, ça reste dans la famille, les teubés de la télé, effectivement. Ils ont bien leur place. Il y a un message aussi qui est arrivé de Christopher qui dit j'ai un examen de logistique demain. Au lieu de réviser, j'écoute Tof et c'est trop du cul. Bah oui. Et Guillaume qui dit est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue également. Bon allez, j'en ai fait un tout à l'heure, je vais en refaire un maintenant. Là, attention, un petit message de bienvenue. T'as mis au mot, t'as récupéré sous ton front, connard. Voilà, celui-là il était pas mal. Celui-là il était bien. Bon, Romuald. Oui. Avant de faire d'autres appels avec Tof pour voir si d'autres personnes voudraient éventuellement aller à une exposition de trop du cul au Portugal, eh bien nous allons appeler maintenant ta copine. Ta copine avec qui tu es resté un jour, elle a eu un petit accident, elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient plus de toi, ce qui est quand même assez étonnant. Ouais, parce qu'en fait elle s'est fait opérer au début. C'est bah, elle s'est fait opérer, oui. Est-ce que vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants, non. Ah non, d'accord. Vous avez essayé plusieurs fois, j'imagine. Je voulais faire, mais elle n'a pas voulu. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, je comprends, je comprends. Bah, c'est difficile en une journée de casser tout ça, quoi. Ah bah, ça dépend si tu t'y prends tôt. Est-ce qu'elle s'est barrée avec la maison? Non, non. Ah d'accord, ok. J'ai failli la traiter de salope, mais j'ai bien fait de m'abstenir. Non. Bon, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Mais voilà. Bon, on y va. C'est parti. On appelle Romuald, on appelle Christelle. À toi de jouer. Dis, sois franc, montre que c'est toi qui as les couilles, que c'est toi qui porte la culotte à la maison, et qu'il y a un moment, il faut qu'elle revienne à la maison, quoi. C'est quand même pas, c'est pas sérieux cette affaire. Ouais, au bout d'un jour, ça se fait pas, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Vous avez partagé tellement de trucs. Mais oui, mais oui. Et puis on a la réponse à la colle aussi juste après avec Ruben. On aura Steven qui bosse dans un hôtel et qui a pas. Bonjour, vous êtes bien sur un message photo Christelle. Je ne suis pas disponible. Veuillez me laisser un message. Ah bah c'est parfait, à la voix, vous êtes bien trouvé quand même. Ouais, ouais, ouais, ouais. À la voix, elle a l'air pas mal effectivement, Romuald. Oula, j'ai eu un ok. Romuald. Ouais. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on réessaye demain. Ouais. Sinon, t'as pas un numéro de fixe? Oui, t'as un numéro de fixe peut-être, Romu. Non. Ah non, bah non, non, non. Bah alors, on peut réessayer demain si tu veux. Ouais. Bah oui, ou peut-être qu'elle oublie. Peut-être qu'elle a oublié qu'elle avait un téléphone portable. Ça, c'est possible également, ouais. Oui. Je pense, ouais. Bah, si elle l'a depuis un jour, c'est possible. C'est vrai. Bon, ouais, Romuald. Ouais, Romuald, oui. On va réessayer demain. Dieu. On va réessayer demain un peu plus tôt. Avec un peu de bol, on arrivera peut-être plus facilement à la joindre. Ok, ça marche. D'accord. Bon. Salut, Romu. À demain. À demain, Mickaël. Ça va aller, t'inquiète pas. Je sais que c'est difficile, c'est dur, une déception amoureuse. Tu peux faire une dédicace? Ben, bah, vas-y. À une seule personne, tu connais la règle. Eh ben, je vais faire une dédicace à mon frère qui m'écoute, voilà quoi. Très bien, eh ben, on va lui mettre un petit message de bienvenue. Espèce d'enculé, t'es. Voilà. Salut Romuald. Et salut Romuald, courage, hein, 24 heures c'est ah dur. Ouais, c'est chaud, ouais. On comprend. On te rappelle demain, Romuald, pour appeler la copine. Ok, ça va. Salut. Salut. Ciao, et on va enchaîner directement avec la colle, mon Dieu, je suis à l'heure. C'est magnifique. Beau, c'est beau. Magnifique. Bon, tu es là, Ruben? Oui. On va donc appeler maintenant quelqu'un qui a envoyé la réponse par SMS. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si personne ne décroche ou que la réponse n'est pas bonne, tu gagnes. D'accord? Okay. On y va, c'est parti. Ouais. On appelle un gagnant ou une gagnante maintenant. Attention, c'est parti pour gagner la PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls et le jeu de Last of Us. Allez, c'est parti. Et on écoutera Vichy aussi avec Hey Bro. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Tony. Salut Tony, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Bien. Et il y a Ruben, Tony, qui a une question à te poser. Oui. Ouais. Alors, un train électrique va à Lyon et à Dijon, dans quel sens va la fumée? Bah, il n'y en a pas puisque c'est un train électrique. Ouais. Et ben bah voilà. Ouais ouais. Bravo Tony. Bravo, bravo Tony, tu repars donc avec la console, la PlayStation 3, PlayStation 3, génial. Le jeu Beyond Two Souls et aussi le jeu The Last of Us. Bravo c'est à toi. Génial. Bah, c'est mon fiel qui va être content. Ah bah j'imagine. Ah, c'est même pas pour toi en plus, comme non, c'est mignon. C'est pour mon fiel. C'est bien. Et Ruben, par contre, toi tu repars bah, chez ta mère les mains vides. Hein. Bon, on va quand même te filer, on va quand même te filer une compile, un pack fun. Ok, merci beaucoup. Bah avec plaisir, Ruben. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Bonne soirée. Hein. À bientôt, Ruben. Et eh ben bravo, Tony. Hein. Tu restes merci. Au standard, on va prendre toutes tes coordonnées. Ok, merci bien. Avec plaisir. Salut, salut. Ciao. Allez, à bientôt, ciao. Et puis, Steven, du coup, qu'on va récupérer maintenant sur Fun Radio. Steven qui a 19 ans, qui appelle de Blois, dans le Loir-et-Cher. Steven, tu es là? Ouais, je suis là, ouais. Bon, et toi, tu voulais qu'on parle, donc, avant d'écouter Avicii et Hey Brother, tu voulais qu'on parle, donc, de ton taf. Donc, tu bosses dans un hôtel et t'es tombé sur un truc chelou avec un boss de chinois. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. En fait, un soir, vers, je commençais mon service, c'est un quart de Chinois qui arrive. Ouais, donc, un quart, c'est-à-dire quoi donc il avait qu'un seul quart, quoi. Il y avait une moitié Chinois, c'est ça un quart de Chinois. C'est assez touristique, en fait, comme ville. C'est une ville historique et du coup, pas mal de Chinois qui viennent l'année. D'accord. Ok, ouais. Et du coup, voilà, en fait, les Chinois arrivent et mon boss me dit... décharge leurs valises, mets-les dans les chambres. Ouais, normal, quoi, ouais. Voilà, et donc après, tranquille, ils montent, tout ça, et ça appelle à la réception, ça commande deux bouteilles de champagne. Et là, on me dit, bah, écoute, ce soir, étant donné qu'il n'y a plus personne, tu feras le room service. Ouais. Okay, pas de souci. Et du coup, je toque à la chambre, en fait, et pas de réponse. Donc toi, tu te dis, je rentre. Même pas, ouais, j'ai utilisé mon badge en fait, ouais, je suis rentré et là, le gros délire, je suis tombé sur une grosse partouze de Chinois en fait. Non, mais une partouze genre hétéro ou une partouze gay? Non, hétéro, mais... Il y avait de la baguette, hein. ils avaient entre 16 et 40 ans, quoi. Ah ouais, 16 et 40 ans quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de recruter maintenant. Oui. Ils avaient 16 ans? Mais non. Ouais, c'est une impression. Non, mais il y en avait une, je suis sûr, elle avait pas plus de 18 ans. Mais non, mais ils font jeunes, les Chinois, t'as l'impression ils sont. Bah, c'est vrai qu'ils font jeunes, effectivement. Ouais. Ils ont mais pas bon. De cul, elles ont rien, quoi. Mais après, bon, bref, donc du coup, t'as participé au CE ou tu t'es sorti? Ben non, en fait, moi je leur ai dit, ben je dépose des bouteilles de champagne, quoi, je commence à poser les trucs, et là, on commence à me regarder avec un œil pervers, genre, et là, une dame, elle me dit, do you want to come with us, quoi, genre, non, viens, non, j'y vais pas. Ouais. Mais vas-y, bon, ton mec. Tu sais que c'est le rêve de Toff, ça. Hein. Ah ouais, attends. Rien que pour ça, il voudrait travailler dans un hôtel. De Chinois, le rêve de Toff. Ah bah bien sûr, moi les Asiatiques, je kiffe. Ah bah oui, non, mais lui, il kiffe tout, de toute façon, n'importe quoi. Hein. Même les meufs les plus moches du monde, il adore. Genre les vieilles et tout, un peu. Oh, ils s'en foutent. Moi, jusqu'à 40 ans, ça me va. Hein. Ouais, bah au-delà. Hein. Ouais. Non, au-delà, ça devient périmé. Ouais, bah, périmé, mais t'as vu ta tronche. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je fais dans la jeune MILF. Ouais, mais le problème, c'est que la jeune MILF ne fait pas dans Toff. C'est là le problème, hein. C'est là que le bas blesse. Bon, et donc du coup, Steven, t'as eu quoi comme autre histoire? Moi après, après avoir déposé les bouteilles de champagne, tout ça, moi j'ai commencé à repartir. Ouais. Et mon patron vient me voir et me fait, ouais, ça a été tout, les chambres avec les Chinois. Ouais, ouais, j'ai rien dit, quoi, parce que je me suis dit, on sait jamais, quoi. C'est vrai que... Ah, t'as rien dit, du coup? Non, pour la réputation de l'hôtel et tout ça, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose... Attends, ça va, la réputation de l'hôtel, les mecs, ils payent pour louer une chambre, ils font ce qu'ils veulent dans la chambre, tant que ça ne ravage pas. Ouais, après, carrément. Regarde, là, ils ont du pète. C'est étoile, en fait, donc du coup... C'est pas grave, Toff, il a déjà fait des trucs bien pires dans des 4 étoiles, hein. Ah bien sûr, oulala, moi j'ai fait des trucs dégueulasses. Et toi, t'as fait des trucs un peu dégueulasses aussi dans l'ascenseur à Prague ou... Oui, alors j'aurais bien voulu dans l'ascenseur à Prague, hein, mais t'as pas écouté la finale? Mais ouais, si, j'ai écouté. Voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, comme j'étais malade, je venais juste de plus avoir de fièvre, donc du coup je savais plus, j'étais dans un autre monde en fait, tout simplement. Et puis bah pour ceux qui n'étaient pas là, dommage, donc à Prague, hein, ce week-end, effectivement, on était au 5e étage à l'hôtel, Toff et Polo étaient partis en amoureux, et donc moi j'étais les rejoindre, hein, pour tenir la chandelle, et... Et donc à un moment je rentre dans l'ascenseur et puis là l'ascenseur s'arrête au 2e étage, mais je n'avais pas vu que c'était le 2e étage. Et là 4 bombes de meufs des pays de l'Est qui rentrent dans cet ascenseur. Et moi je sors parce que j'étais persuadé qu'on était arrivé au rez-de-chaussée et qu'elle prenait l'ascenseur pour monter en fait. Hein. Et puis bah elles m'ont regardé, elles m'ont dit au revoir, je dis bah salut, et puis en fait je me suis rendu compte qu'on était au 2e étage et l'ascenseur est descendu. Voilà. Alors qu'on aurait pu, d'accord, il aurait pu se passer quelque chose entre le 2e et le 3e et le 0. Bah oui. Et je tiens à préciser aussi que le soir là où je faisais le room service, là, la chambre, enfin la deuxième ou troisième chambre plus loin, j'ai servi une bouteille de champagne à une femme politique. Non, elle était toute seule, faisait des trucs dégueulasses, elle faisait quoi? Bah, elle était toute seule. Oh merde, ouais, bah c'est pas drôle alors. Mais non, mais vraiment connu, enfin voilà, j'en dirais pas plus. Mais genre mari, connu gouvernement. Son ex-mari a fait des trucs bizarres aussi aux femmes d'hôtel. Ouais, donc, DSK donc. Il y avait Anne Sinclair en fait dans l'hôtel. Ah oui, c'est Anne Sinclair. C'est bien parce qu'il est dire ouais, non mais moi je dis pas, non mais moi je veux pas dire. Bon, en fait il y avait Anne Sinclair. Mais du coup voilà, ça fait galérer, j'ai pas envie de laisser galérer les gens, quoi. Ouais, non mais t'as bien fait, ouais. Juste pour info, elle fait pas de politique, hein, elle est journaliste, ouais. Les journalistes, mais elle était avec DSK, quoi, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, voilà, enfin ouais, j'ai dit voilà. Et il y a Eldwin aussi qui doit me kiffer aussi. Bon, je suis pas chinois mais il aime les Coréens. Ouais, ouais, ça marche les Coréens. Ouais, ouais, voilà. Et Fabienne qui dit, il y avait le cap des 7 ans, maintenant avec Romuald, il y a le cap des 24 heures. Bah, c'est ça. Il y a Mick aussi qui dit, je veux bien le jeu de Last of Tof. Ouais, mais il est vraiment pourri le jeu pour l'instant. Ouais. J'ai essayé celui-là. Ouais, il se termine assez vite. C'est la version bêta. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et alors, message aussi qui est arrivé de Kawed qui dit putain les bâtards. Et Théo qui dit c'est le kiff de vous écouter. Ah, il vous a buté, il a buté tout, il a buté les deux. Ah oui, c'est quand Toff se prend pour un grand acteur. Allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Eh oui, ils ont buté les deux. On remettra aussi le chéri, je peux te faire coculier. Hein. Vous avez bien aimé, on s'est bien marré à vous le faire. On vous le remettra tout à l'heure. Et puis, tiens, je voulais te poser une question. Bah, pas forcément à toi, Steven, mais comme t'es là, on va en profiter. Combien de douches est-ce que tu prends par semaine? Par semaine? Ouais. Bah, une par jour. Une par jour. Eh bien, c'est pas bien. Il ne faut pas prendre plus d'une douche par semaine. Sinon, vous abîmez votre peau. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Université de Californie. Et même pour les cheveux, d'ailleurs, hein, il faut les laver le moins possible, selon eux. Voilà. Donc, venez nous dire comment ça se passe écoute, chez vous. Je vais immédiatement commencer ça. Ouais, bah, j'imagine bien. En plus, ça te fera des économies d'eau, on sera content. Bah, oui. Et puis, non, mais attends, je veux dire, là, je prenais déjà une douche par semaine. Je peux faire une par mois, mais non. Oui, bah, maintenant que j'ai appris ça. Bah, voilà, c'est ça. Dites-nous combien de douches est-ce que vous prenez par semaine, vous, tiens, venez nous en parler. L'histoire du slip plein de merde. De quoi scoot, l'histoire du slip plein de merde à Toff. Oui. Bah, c'est depuis là, c'est là que j'ai appris à pas me laver. Tu vois, exactement. Genre le camp c'était deux semaines, je me lavais pas pendant les deux semaines, ça allait très bien. Parce que Toff a fait un camp scoot quand il était petit et puis il avait c'est mieux dans la forêt. Voilà, il s'était chié dessus et du coup il avait planqué son calbut que sa mère a retrouvé. Donc forcément c'était la honte totale. Bon, donc du coup, bah dites-nous comment ça se passe, combien de douches est-ce que vous prenez par semaine. On en parle évidemment dans quelques minutes. Et puis bah si vous avez déjà eu aussi, vous êtes déjà peut-être tombé sur des trucs un peu particuliers dans votre travail ou au bahut, comme là en l'occurrence Steven qui est tombé sur une partouze dans son hôtel. Il y a Olivier qu'on va prendre dans quelques minutes également qui est là, Olivier de Brest. Bah lui aussi, hein, Olivier l'habitué, mais lui hôtelier dans un Formule 1. Oui, c'est pas le même standing. Ah, c'est pas le même standing, mais c'est pas grave. Olivier, t'es là? Ouais, je suis là. Ah, il va couper sa radio, Olivier, hein. Non, c'est comment le prénom du collègue là qui vient de parler là? C'est Steven. Qui travaille dans les, je sais pas quoi là, dans les hôtels. Les palaces, ou je sais pas quoi. Bon, 4 étoiles, c'est pas palace. Oh, il est énervé. Les 4 étoiles, voilà. Ouais, c'est un hôtel. Bah oui, c'est bah déjà, moi j'ai une chose à dire. Formule 1, c'est le plus bas de base. Ouais. Et il y a une norme quand tu travailles dans un Formule 1, dans tous les hôtels de France et de Navarre et du monde, c'est que c'est une loi. Tu dois pas accepter quelqu'un qui n'a pas le même nom de famille avec une mineure. J'ai pas compris. Alors moi, c'est une histoire de partout, entre Chinois ou entre je sais pas quoi. Ouais, mais non, mais il a dit qu'elle avait l'air d'avoir 16, mais à mon avis, elle avait pas 16. C'est juste qu'effectivement, les Asiatiques ont tendance à... Elles ont pas de fesses, elles ont pas de... Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste qu'elles font plus jeunes en règle générale, plus jeunes que leur vrai âge. Quand tu vois une Asiatique, t'es toujours persuadé qu'elle est super jeune, alors qu'en fait, elle peut très bien avoir 25 ou 30 balais. Ah, mais moi, j'ai 40. Et toi, j'ai des amis vietnamiens qui s'appellent Indien. Toi, c'est un nom connu. Ouais. Et bah ouais, je suis d'accord avec vous, qui font plus jeunes, mais tu peux pas rentrer dans un hôtel. Olivier, on connaît la règle, c'est pas le problème. On n'a pas dit qu'elles avaient 16 ans, c'est lui qui a dit qu'elles avaient l'air d'avoir 16. Mais oui. Il n'en sait rien. On sait bien qu'il faut pas accepter qu'un majeur aille avec un mineur dans un hôtel si c'est pas la famille. Mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Surtout qu'ils étaient quoi? C'était quoi? C'est une grande famille, Steven, ou c'était des potes ou c'était quoi? Ben, non, mais regarde, c'est attendez, vous parlez à deux en même temps, je comprends rien, Steven. Ouais. C'est quoi, tu dis? Non, je pense que c'est la même famille. Je sais pas, je peux pas dire. Et le Formule 1, du calme. Steven, vas-y, réponds. Ouais, non, franchement, c'était le quart de touriste, donc c'était pas vraiment famille, quoi. Ça dépendait des chambres. Oui, voilà, donc c'était un quart de touriste, les mecs, ils étaient techniquement majeurs, quoi. Ouais, j'ai travaillé à Tel Aviv. Attends, Tel Aviv, c'est quand même une ville qui bouge, et c'est une ville de fou. Et tu vois, j'ai bossé dans des auberges de jeunesse et jamais tu verras des choses comme ça. Mais oui, mais, non, mais attends, mais Olivier, ouais. là on parlait du fait de tomber sur des trucs un peu improbables. On parlait pas de savoir si c'était bien ou si c'était mal. Ah ouais, je suis pas en désaccord avec Steven, mais... Non, mais tu nous dis, t'es en train de faire un... Olivier, t'es en train de faire un procès, mais il faut pas qu'il rentre, machin, on s'en branle, c'est pas le débat. Ouais, en même temps, au Formule 1, tu mets juste un code et n'importe qui rentre. Hein, oui, au final, c'est vrai. Bon, Olivier, attends, reste là deux secondes, Steven aussi, il y aura Dimitri dans quelques minutes également. On parle de quoi dans un instant avec toi, Dimitri? Au fait, je sors avec le copain ma cuisine. Tu sors pas mal, le copain de ta cousine, c'est pas mal, Dimitri. Ben reste avec nous, on va en parler. On va aussi appeler évidemment encore des gens là pour savoir s'ils sont intéressés d'aller avec Toff pour une exposition de trou du cul au Portugal. Et on va s'écouter d'ailleurs maintenant le son de Avicii sur Fun Radio. Avicii avec Hey Brother. Et puis on parle également de nombre de douches que vous prenez par semaine. Venez nous en dire plus. Est-ce que vous êtes plutôt maniaque ou pas? Venez nous le dire. 01 42 48 5000. Vous appelez le numéro du standard, c'est Sandro qui décroche. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Je vous l'ai promis au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est le son d'Avicii qu'on écoute. Hey Brother. Bonne nuit tout le monde. Hey Brother. Foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No limites. Fun Radio. Mickaël, No Limites. On Fun Radio. Exactement. Et sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Et je vous avais promis tout à l'heure qu'on allait rediffuser Louis et JS. Alors, souvenez-vous, c'était hier en fin d'émission, vers 1h50 du matin, quand Louis nous avait appelé pour nous expliquer qu'en fait, il avait fait une petite soirée un peu sympathique. Il s'était retrouvé au lit avec une belle brune et que bah il s'est rendu compte que la belle brune avait un service. Un service plus quoi. Un service un peu plus que tout ça quoi. Et donc du coup ça avait donné ça. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, hein, ceux qui voulaient réécouter, bah c'était le moment où la belle brune nous avait téléphoné en fait. Alors moi j'ai fait une soirée libertine. Alors je suis allé avec une amie. Ouais. La soirée commence bien, je discute avec une. Non mais explique-moi comment ça s'est passé. Ouais, on se met à l'aise et tout. On se met à la cool quoi, tranquille, ouais, ok. Quand ça commence à bien monter, bah là on attaque. Mais t'attaques quoi? Tu vas attaquer quoi? On est pas en train de faire un jeu genre ni oui ni non, hein. Tu peux y aller. Ouais, tu peux dire, hein. Tu peux parler hein, ici, y a pas de problème. Hein. À embrasser et tout. Ouais. Et seulement, bah moi j'ai fait le coin, j'ai trop picolé. Mais attends, vous étiez combien? Le lendemain matin, je me suis réveillé à côté d'une belle brune. Ouais. Et quand j'ai soulevé la couette, j'ai vu que bah c'était monsieur et ah pas madame. Merde. Ah ouais, là par contre, c'est embêtant. C'est oui. C'est dur. Pas de chance. Et il était bien dur, le mec? Je sais pas, j'ai pas regardé plus loin. J'ai vu l'engin, j'ai refermé. Bon, Jess, bienvenue à toi. Bonjour. Alors, Jess, toi, tu voulais réagir, toi, par rapport à Louis? Oui, c'est ça. Alors, on t'écoute. Bah, en fait, j'ai écouté l'émission et Louis, en fait, C'est moi pote. La fille avec qui il a passé... Attends, vérification quand même. À quoi ressemble Louis? Est-ce que t'as un petit détail qui prouverait à Louis que c'est bien toi que t'aurais vu et que bah nous on peut pas connaître? Eh ben, il a 3 tatouages, dont 2 sur le bras et 1 dans le cou. Et il a 2 déserteurs. Louis? C'est oui, les trucs dans les lobes d'oreilles. Ouais, c'est ça Louis? Oui, voilà, c'est ça. Et non, mais ça c'est une blague. Jess? Oui. Que s'est-il passé? Fais-nous rêver, Jess. Eh bien, comment dire, il s'avère qu'il s'est montré très ouvert. Ouvert comment? Attends, Louis, donc, t'as taillé une pipe? En gros, oui. D'accord. Non, pas en gros. Moi, je veux les choses en clair. Ça a duré longtemps. Ah oui. Ensuite, on va dire que, finalement, Louis aime bien quand on est dominant avec lui. T'arrête pas, Jess, parce qu'on est, continue. Est un peu pris par l'émotion de ce que tu racontes. On est un peu perturbé. C'est d'amour, ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est beau. Et donc? Eh bien, il s'est mis à 4 pattes et bah, j'ai pris les devants, quoi. Enfin, non, tu l'as pris derrière. Oh merde. Ah oui, c'est... Et Louis, il a kiffé ou pas? Louis, attends. Ah bah... De ce que j'ai compris, oui, enfin, j'espère. Oh là là là, j'espère. Ah oui, bah... Louis, ça va? Louis? Oh putain. Non, t'inquiète pas, Louis, on va t'envoyer une compile. Tu pourras l'écouter en pensant à Jess. Eh ben bah voilà, oui, exactement. Donc c'était, c'était hier soir, hein, Louis et Jess, le passage dans l'émission, c'était assez surréaliste. Il y a Tony qui dit, moi je suis sûr que Louis a encore mal au cul. Ah oui, tu m'étonnes. Quentin qui dit, le pauvre, il n'aurait pas dû appeler. Ça c'est clair également. Et le prince qui dit, j'avoue que ce coup de fil d'hier soir était juste énorme. Et alors, message de Doc210N de ce qui dit, je suis à nouveau sur Twitter, je te follow. Je peux avoir un message de bienvenue, un bien salaud. Oh bah oui, tu vas le prendre cher toi. Ça te plaît, cochon petit. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. Oh putain, il était chaud celui-là. Quand on avait appelé le beau-père là, d'un auditeur, oh là là, c'était d'une violence. D'une violence sans nom. En parlant de violence, on va se faire des nouveaux amis avec Toff encore un petit coup là. Un petit appel évidemment. Tiens, il y a Andrea avec nous, 19 ans de Lyon là. Salut Andrea. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, dis-moi Andrea, est-ce que t'irais éventuellement jusqu'au Portugal avec Toff là pour une exposition de trop du cul? Je sais pas, ça fait un peu loin. Oui, non, mais c'est pas grave. Imaginons que t'ailles tout frais payé. Ouais. Ah, la tirer avec Toff à une exposition de trou du cul. Ouais, bon, faut quand même que je paye, hein. Donc, il y a quand même. Ça va avec Mickaël, mais bon. Ah, mais c'est gentil, Andrea. Eh oui, c'est normal. Que veux-tu? Tu as bon goût. Tu as bon goût. Attends, on va quand même vérifier pour voir à côté de quoi il passe. On sait jamais. Allez, Andrea, combien mesures-tu? 1m63. Combien pèses-tu? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 105B. Et la taille d'un épaule de cacheté? 40. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas ça, mal, il peut te prendre honnête. Avec dans l'avion, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tout peux simplement. La prendre où il veut d'ailleurs. Mais oui, évidemment, ouais. Bon, du coup, Andrea, donc t'irai avec au Portugal pour l'exposition de trop du cul. Eh bien, écoute, on va poser des questions maintenant, on va appeler, on va continuer à appeler évidemment un petit peu partout tous les gens qui nous ont donné les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on l'appelle? Allons-y. Allez, reste là, Andrea, on va te reprendre juste après, il y aura Ludovic. Ludovic et Chloé aussi. Allez. Voilà. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelle parce que j'aurais souhaité venir faire des photos de votre trou de cul, monsieur. Mais viens ici, fils de pute. Mais, monsieur, c'est pas la peine de me parler sur ce ton. T'as besoin de me... Tu m'appelles comme ça, toi? Bah parce qu'en fait, je réalise une exposition sur des trous de balles et en fait, j'aurais voulu faire une photo de votre trou de cul, monsieur. Tourne-toi vers le miroir et prends le trou de cul, une photo de ton trou de cul, fils de pute, et celui de ta famille entière, enculé, va. Oh, mais Andrea, c'est celle d'hier? Hein? Oui, c'est moi. Ah, on a reconnu ton rire. Je t'ai reconnu à ton rire où t'as failli de nouveau décéder là. Bon. Bah oui. On rappelle. Même tu m'as mis en attente et je me suis endormi. Bah exactement, figure-toi qu'on s'en est rendu compte hier soir. Hein, quand j'ai dit Andrea. Andrea. Allô. Oui, bah, dormais. Ah bah oui, elle s'est endormie. Bon, on rappelle. Allez, on rappelle encore un petit coup. Allez, monsieur. Allô? Oui, excusez-moi, mais pourquoi autant de violence, monsieur? Ah, bah voilà, ça. Et on a bien entendu le clac du téléphone. La violence du raccrochage. Bon, et ben voilà, très bien. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros, partagez-les, évidemment. toph@funradio.fr. Il y a un message qui est arrivé. J'adore l'émission. Première fois que j'écoute, je réécouterai. Je te tranche la tête avec mon pénis. Ça m'a tué. C'était. Bon, donc ça, c'est Andrea qui va décéder d'un moment à l'autre. C'était un gars que nous avions appelé tout à l'heure. Et Hugo de Bretagne qui l'avait demandé, tiens. Couper la tête. Avec mon pénis, ok? Ouais, ok, t'as compris. Alors, ok. Et Lilian aussi, qui voulait un message de bienvenue. Bah écoute, avec plaisir. Attends, hop là. Ça te plaît, cochon que tu es. Voilà. Attends, monsieur, je l'ai déjà mis il y a quelques instants. Attends, une seconde. Je vais t'en remettre celui-là. Fils de pute, toi. Oh bah, il était très sympa celui-là. Et alors, moi, on dit, c'est Alex qui dit, moi, je prends 15 douches par semaine. Ça fait beaucoup, ça, 15 douches quand même. Ça fait matin et soir. Ouais. Mauvais pour la peau, apparemment. Mauvais pour la peau. Et Megumi qui dit, j'avoue que moi, pour rentrer en boîte, on me demande toujours ma carte d'identité. Parce qu'on me croit pas quand je dis que j'ai 23 ans, lol. Et Brie aussi qui dit, tu aurais pu te faire manger par le rouleau. Tu aurais pu te faire manger le rouleau de printemps, pardon, effectivement. Ça, c'était pour Steven, qui bosse dans un hôtel et qui est tombé sur une partouze d'asiatique. C'est ça, hein? Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah très bien. Bon, alors, Andrea, toi, tu voulais réagir par rapport, non pas à Steven, mais par rapport à la douche. Oui. Bon, combien de douches tu prends par jour, toi, par semaine, Andrea? Une par jour. Combien? Et le shampoing deux fois par... Une par jour et le shampoing deux fois par jour. Deux fois par semaine. Ah d'accord, ok, parce que je me dis putain, c'est simple ça quand même. Non, on en parlait parce qu'il y a une étude apparemment en Californie qui disait que il fallait pas prendre trop de douches, c'est-à-dire qu'une par semaine suffirait amplement, sinon ça abîme la peau et les cheveux. Donc moi je peux pas, après ça pue, je peux pas. Bah oui, non mais c'est ça, mais apparemment pour les cheveux, c'est plus tu les laves, plus tu dois les laver. Ouais. Voilà, donc moi j'en suis arrivé à les laver une fois par jour, mais si je le fais pas le lendemain, c'est normal. Tous les jours, moi, la blanchisserie. De quoi? On sert tous les jours à la blanchisserie. Oui, non, mais d'accord, mais après, de là, prendre deux douches par jour, faut peut-être pas non plus exagérer, non, mais une après, ouais, non, mais une après, pourquoi pas, ouais. Attends, il y a aussi Ludovic avec nous, là, de Genève. Salut, Ludovic. Salut. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, tranquille, je vous écoute depuis le début, là. Oh, bah, c'est gentil, Ludovic, sois le bienvenu, t'as 20 ans, toi. Ouais, 20 ans, ouais, c'est bon, ça. Bon, ouais. Alors combien de douches tu prends par jour, toi? Je sais pas. Ah non, mais moi... Non, moi, c'est une douche par jour, mais moi, j'y reste des fois 2 heures. Hein, ah oui, c'est un maté suisse. Ah, attends, 2 heures? Ah, tu pas sous la douche, mais... Non, attends. Je prends la douche, pas deux heures, mais je suis dans la salle de bain 2 heures. Ah oui, non, mais d'accord, ça c'est autre chose. Mais la douche, tu restes pas quand même sous l'eau pendant deux plombes? Bah... ouais, bien 15 minutes, 20 minutes, quoi. Ah oui, quand même, hein. Bah quand alors... Et Chloé... Avec une douche italienne... Ah oui, bah alors t'es bien, t'es à la cool, quoi. Ouais. Ah bah oui. Et Chloé également qui est avec nous, là, de Bretagne. Salut Chloé. Salut. Comment ça va? Ouais, bien. Bon, tant mieux, Chloé. Alors, toi, combien de douches tu prends? Bah, en fait, j'en prends une tous les jours. Désolée si on m'entend pas, mais je suis malade. Non, mais c'est rien, on t'entend bien, Chloé, t'inquiète. Ah oui, ça va, on m'a dit de parler fort, en fait. Non, mais c'est bien, Chloé, t'inquiète. Ok, bon. En fait, moi, j'en prends une tous les jours, mais ça dure super longtemps. Je pourrais rester toute la journée dans la douche. Ouais, mais non, mais d'accord, mais après, c'est agréable, mais tu vas quand même pas rester toute la journée sur la douche. Bah en fait, j'ai déjà fait. Prends un bain à ce niveau-là, alors. Ah, ils doivent être contents, tes parents, hein, avec la note de flotte, hein. Quoi? Non. Ah ben c'est pas cool parce que l'eau elle refroidit. C'est naze. Hein, bah, tu rachouffes alors après. Oui, je la vide et puis je la remets et puis etc. Ah bah, ils vont être contents tes vieux directs avec la note, hein. Hein, heureusement qu'il y a des gens qui disent oui, faites attention, économisons Léo, etc. Les dauphins etc. meurent. Bah ouais. La banquise. Alors que Chloé elle a rien à branler, elle le fait couler pendant 2 heures. Allez, c'est parti, j'ai rien à foutre moi, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, réchauffement climatique, moi j'ai rien à foutre, ça existe pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'on m'emmerde? Ah ça y est, André va à nouveau crever là. Voilà. Allez, une douche. Tu kiffes comme ça Chloé là? J'ai eu un coup de peine. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Ah, ça fait mal. Oui, bah, c'est tout ce que tu mérites. C'est tout ce que tu mérites. Bon, Chloé. Non, il faut que tu restes moins longtemps sur la douche, hein, par contre. Hein. Ouais, ça doit durer en moins 1h30. J'ai peur. Mais non, mais oui. L'eau froide, alors. Ouais, c'est ça. Mais tes parents, ils sont contents que tu restes aussi longtemps sur la flotte? Bah, ils tapent à la porte. Ah ouais, mais putain, et moi, c'est pas sur la porte que je taperais. Ils font peur, sur ta gueule. Un coup de pelle, tu verrais, moi, si je suis ton daron. Moi, je suis le daron, je vais couper l'eau chaude direct. Hein. Ah, mais ouais. Bah, tu veux prendre l'eau, bah, tiens, prends l'eau, froid, allez, tu vas voir. Fais comme papa, te lave pas. Exactement, ouais. Ouais, et moi, on m'avait dit que plus tu restes dans la douche, plus c'est bon. Donc, moi, je l'ai fait, puis maintenant, j'en ai pris goût. Et bah, maintenant, tu vas te rendre compte que plus tu restes sous la douche, moins c'est bon. Et surtout, plus c'est cher. Et plus c'est cher, exactement, ouais. Bon, bah, Chloé et Ludovic, merci d'être passé en tout cas. Ciao, à plus. Et vous revenez quand vous voulez, à bientôt tous les deux. Ouais, à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. Ciao. André, encore un truc à ajouter? Non, mais je peux rester dans le standard comme d'habitude. Ouais, mais tu vas encore t'endormir comme hier. Non, c'est bon. Ouais. T'es sûr? Sinon on va te mettre sous la douche, comme ça au moins tu vas se réveiller. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon bah d'accord, si tu veux Andrea. On va faire un top tweetos aussi dans quelques minutes là. Et puis Steven, encore un truc à ajouter par rapport à l'hôtel? Non, pas par rapport à l'hôtel. Par contre, je veux bien faire une dédicace, s'il te plaît. Vas-y, à une personne, hein, tu connais la règle, choisis la bonne. Je vais faire une dédicace à mon pote Vincent, et s'il vous plaît, une dernière à Mathilde, ma chérie. Ouais, mais t'as vu, t'as dit s'il vous plaît, t'as même pas eu le temps que j'ai dit, t'as même pas laissé le temps de dire oui ou non. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu mérites pas, un coup de pelle dans ta gueule et un coup de lance-flamme. Oh putain. Et un pet de tof. Et un pet tof. T'es pas exigeant. Voilà, effectivement, c'est tout ce qu'il mérite. Bon, Steven, passe une bonne soirée, merci de passer, tu reviens quand tu veux, à bientôt à Blois. Ok, ça marche. Salut, ciao. Et je vous rappelle aussi qu'on sera à Nancy, hein. Ce sera dimanche soir à partir de 17h sur la place Stan. Si vous voulez venir avec nous pour délirer, gagner des cadeaux également, on fera ça sur la place Stan à 17h à Nancy, dimanche soir. Donc j'espère que vous viendrez nombreux, vous ferez venir vos potes également, même s'ils nous connaissent pas, hein, c'est pas grave. On fera connaissance comme ça, Toff viendra avec sa balance et sa. Et son maître pour faire les tours de propriétaire, bien évidemment. Bah oui, c'est faut en bien direct. Que je vois la ville où il y a les meilleures meufs. Et bah paraît-il, effectivement, donc on vous attend. Voilà, c'est avant de faire un plus grand tour. On démarre par Nancy, donc et on sera là donc dès 17h à la place, enfin sur la place Stan. On fera l'émission juste après dans les studios de Fun Radio Nancy. Si vous voulez venir, vous êtes évidemment les bienvenus. Et apparemment, on devrait recevoir également Miss Lorraine. Mmh. Ouais, j'ai le coiffeur. J'espère que c'est pas une quiche. C'est drôle ça. Oh Et Toff paye son verre, il paraît. Oui, j'ai bien vu sûr. Ça, effectivement, ouais. J'ai vu ça sur Twitter, comme quoi il paye son verre sur la place Tan. Ouais. Bah, oh, bah oui, sur la place Tan en plus. Oh, ça va, arrête un peu ton cinéma, là, sans déconner, quoi. Non, mais c'est vrai, l'autre, il fait son cinéma pour rien. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes, et puis on va récupérer Dimitri, qui nous avait appelé parce qu'il sort apparemment avec le mec de sa cousine. Donc, c'est parfait, tout un grand programme qui va débarquer dans quelques minutes. Le temps d'écouter maintenant sur Fun Radio le son de Crewella, qui sera d'ailleurs au Starfloor, évidemment. Hein. Crewella qu'on écoute maintenant, c'est Live for the Night sur Fun Radio. Il est 1h03 du mat, il n'y a pas de pub jusqu'à 2h. Pensez avoir tout entendu, vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exact, bienvenue si vous venez de débarquer. Il y a Quentin qui dit aussi je serai là à Nancy, là, les meilleurs, c'est les Lorrains. Eh ben, on sera vite fixé dimanche à 17h. On sera là-bas avec vous, évidemment. Il y a un message aussi qui est arrivé. Il y a Brustal qui dit quiche Lorraine, lol, ça mérite un coup de pelle, je te confirme. Voilà, et puis un message aussi qui dit où est-ce qu'il est ? Je l'ai plus, mon message, je l'avais, tiens, tant pis. Encore une soirée de folie avec Chris qui avait envoyé son message tout à l'heure là sur le Facebook de l'émission. Et rejoignez-nous également Facebook, Twitter, bien entendu. Vous tapez Mickaël underscore officiel, underscore c'est le petit tiret en bas. Donc Mickaël underscore officiel sur Twitter pour venir nous rejoindre. Si vous faites un follow, je vous followerai également avec grand plaisir. Et puis, ah oui, putain, faut que je mette... J'en avais parlé sur le Facebook. C'est un mec qui a dépensé 100 000 $ de chirurgie pour ressembler à Justin Bieber. Mais non. Ah si, 100 000 $ il a dépensé pour un résultat très moyen, hein. Même très très très très moyen. Allez, 100 000 $ de gaspillé, hein. Allez, touche à la poubelle, c'est abruti, hein. Si c'est pas quoi en faire, qu'il me les donne, hein. Ah ouais, donc venez nous dire ce que vous en pensez. Je vais mettre la photo sur le Facebook de l'émission dans quelques instants, le temps de la retrouver. Et je vous la tape directement, donc facebook.com/mikl officiel. Voilà, bah ça y est, je l'ai retrouvé. Et je vous la mets, bah j'hésite à mettre celle avant et après, ou alors celle où il est avec la pochette du CD. Ah j'hésite. Bon, je vais mettre la pochette du CD, elle est quand même vachement plus dégueulasse, quoi. Je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Sur le Twitter également, vous allez pouvoir la voir sans problème. Et puis vous allez pouvoir me donner vos avis également. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait ou pas de claquer les 100 000 $? Est-ce que ça a été un bon investissement? Voilà, t'as vu la photo toi, Andrea, ou pas? Non, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. Ah bravo, non mais bon, mais t'as Internet temps, ou t'as tu Internet, vis dans une grotte ouais, c'est ça, tu vis non. Où là? Hein? J'ai Internet, mais chez mon père. D'accord. Donc, j'ai pas Internet. Très bien, Andrea, mais c'est pas grave, c'est une chose qui arrive. Ça fait 5 mois que je vis sans Internet. Ah, bah ça va, comme quoi on y arrive, hein? Ouais. Bah oui, au final, c'est vrai. Il y a la télé. Bah c'est bien. Bon, Andrea, reste avec nous, il y a Dimitri qui est là également. Dimitri? Oui. Dimitri, t'as 19 ans, t'appelles du Havre? Oui, bon, ça. Et avant de faire des appels encore avec Toff, évidemment. Bah oui, avant de se réécouter le chéri, je peux te faire cocu d'hier, qui était extraordinaire. Tu l'as entendu ou pas, Dimitri, hier soir, le chéri, je peux te faire cocu? Non. Eh ben, c'est parfait, comme ça t'auras la version rediff, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors Dimitri, qu'est-ce qui t'amène, toi, de quoi on part avec toi? Bah en fait, moi, je sors avec le copain de ma cousine. Tu sors avec le copain de ta cousine, mais pourquoi? Voilà. Bah parce qu'on sort ensemble, enfin voilà. Oui, non, quoi. Ça j'ai bien compris le concept. Non. Mais déjà, donc t'es gay? Oui. Ok, jusque là tout va bien. Mais pourquoi choisir le mec de ta cousine? Il y a plein d'autres mecs. Bah oui, mais c'est tombé sur lui, voilà. Mais lui il est pas gay à la base alors? Non, lui il est bi. Ah lui, ah d'accord, ok. Mais ta cousine, elle le savait qu'il était bi? Oui. Ah d'accord, elle est quand même sortie avec. Ah oui, ça l'empêche pas. Voilà. C'est con, t'as remarqué. Mais non, si, parce que des gens ça peut déranger. Attends, il y a des gens ça dérange, ils sont avec un mec, enfin une meuf qui est avec un mec, de savoir que le mec peut se faire défourailler par un autre mec, ça peut déranger. D'ailleurs, c'est arrivé. Et l'autre il se gratte là comme si. Oui, il réfléchissait. Attention, parce que quand t'es un mec, te dire que ta copine est bi et qu'elle peut niquer une autre meuf, c'est moins. Enfin, je trouve que c'est moins dérangeant. Ah bah oui. Ça peut psychologiquement être moins dérangeant que de dire d'une meuf, je suis avec un mec, et bah en fait, bah mon mec, peut-être que avant qu'on se mette ensemble, il y a 3 mois, il était en train de se faire enculer par un autre mec. Non mais, ça peut déranger. Oh oui, mais enfin bon, là, c'est s'arrêter à des trucs. Bon, Comment ça, c'est s'arrêter des détails. Trucs, bah, dites-nous, tiens, sur le Facebook et le Twitter, est-ce que vous, ça vous dérangerait, vous, les filles en l'occurrence, appelez-moi les filles, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Est-ce que ça vous pose un problème si votre mec vous dit, bah voilà, en fait, moi je suis bi. Regarde, imagine ce pauvre Louis qui s'est fait défourailler pendant toute une nuit là. Mais il le savait pas. Bah oui, oui peut-être, mais après il va trouver une meuf et bah, la veille, c'est une victime de l'alcool. Non, mais là c'est pas pareil, il n'est pas bi. Non. Il a eu malencontreusement un passage à vide. Voilà, c'est ça, ouais. Mais je veux dire, il n'est pas bi, donc voilà, c'est juste ça. Mais donc pour en revenir au problème, donc les filles, j'attends vos réactions maintenant. Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Dimitri. Oui. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que j'imagine que ça va foutre le bordel chez ta cousine. Non, mais au fait, si tu peux avoir des conseils, tout ça, parce qu'au fait, elle sort avec depuis 5 ans. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais. Et moi, ça fait quand même 2 ans que je suis avec aussi. Ah oui. Non, là, mais c'est pas sérieux là. C'est-à-dire que attends, il y a une cousine. Là, elle est avec le mec depuis 5 ans. Toi, t'arrives, donc t'es le cousin fatalement. Tu tapes le même mec pendant 2 ans en même temps. Et le mec au milieu, il est normal, il est bien. Il est content. Ah oui, lui, il est bien, lui. Bah voilà. En même temps, ça reste dans la famille. Hein. Oui. Bah c'est ça. En gros. C'est un truc de dingue. Mais tu peux en trouver un autre. Ben oui, il y a Megumi qui dit c'est dégueulasse de faire ça à sa cousine. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, j'avoue, c'est vrai, mais après, voilà quoi. Mais tu fais quoi avec le mec techniquement? Bah tout. C'est-à-dire? Tu peux en refaire. Bah... Peut-être pas savoir. Bah tout, voilà quoi. Non mais enfin, parce que il y a un truc, faut que tu m'expliques, c'est que il a une double vie. Bah oui. Mais au fait, le truc aussi, c'est que en novembre, là, le 9, ouais. Je déménage de chez mes parents pour aller chez eux. Et vous allez faire ménage à trois? Voilà, mais sans qu'elle le sache, quoi. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, elle va bien entendre que l'autre queen quand tu le fourres, quoi. Ah ouais. Et puis, il va y avoir des dégâts derrière, tu vois, il y a des dégâts. Ah oui, là, il y a un moment, il va y en avoir. Hein. On va voir que le trou de balle, il a pris 30 cm. C'est clair. Non mais c'est un truc improbable quand même. Mais je comprends même pas comment cette situation a pu en arriver là. Qu'il y ait un moment ou un autre, un dérapage, tu vois, dans le sens où voilà. Non mais tu dérapes. Non mais c'est pas ça. Mais qu'il y ait eu un dérapage et que tu te sois tapé le mec de ta cousine. Bon voilà, une fois, deux fois, puis tu te rends compte que t'as fait une connerie. Bon bah tu fais marche arrière. D'accord. Ouais. Bon pas trop vite, marche arrière parce que sinon après voilà. Mais il y a un moment, ça peut pas durer 2 ans. Bah non, la preuve si. Bah non mais merci, j'ai bien vu que ça a duré 2 ans. Mais je veux dire, c'est façon de parler que je dis que ça peut pas durer 2 ans. Ouais. Parce que ça fait 2 ans que tu lui ramones la cheminée là quand même. C'est plutôt le contraire. Ah oui mais alors c'est pas pareil. Comment ça c'est pas pareil? Non c'est pas pareil. Arrête, si c'est la même chose. Ah, y a Fabienne qui dit perso imaginez mon mari bi mes cœurs. Bah oui mais c'est ça. Kawet qui dit si mon mec me dit qu'il est bi, je pense que ça me ferait quelque chose. En fait j'en sais rien. Bah il dit dis-le toi pour voir Kawet. Et le prince Nadia qui dit si je trouve un mec et qu'il est bi, eh bien c'est son choix, je le respecterai, aucun souci pour moi, très bien. Yaku aussi, ah bah prince Nadia qui dit encore pourquoi il choisit le mec qu'il ne devrait pas choisir. Ouais mais ça après on peut pas savoir. Voilà. J'ai besoin d'avis de filles, les filles s'il vous plaît dites-moi. Il y a Victoria aussi qui dit mon mec me dit qu'il est bi, bah, je le plaque. Et Kenny, l'heureux élu, attends c'est quoi, peut se faire des plans à trois. C'est une idée mais avec la cousine au milieu c'est quand même assez dégueulasse. Et I love you aussi qui dit c'est dégueulasse, il y a des millions et des millions de mecs quoi. Ouais mais après tu peux pas choisir, tu tombes amoureux, tu tombes amoureux. Mais mon problème, c'est pas un problème, je m'en fous l'absolu, c'est pas à moi que ça arrive. Mais c'est de se dire simplement si t'es une fille, je trouve ça bizarre, enfin je trouve ça plus compliqué de d'être une fille, de se dire que mon mec est gay et donc du coup bah forcément se dire qu'il s'est déjà tapé des mecs, il s'est déjà fait des fourrailliers. Plutôt que prendre ma situation où je suis un mec et je kiffe les meufs et me dire peut-être que ma meuf est déjà sortie avec des autres meufs. Enfin avec d'autres meufs, tu vois, c'est... Dans la tête d'un mec, c'est différent. Enfin, je sais pas, je me comprends en tout cas. Mais après, dites-moi les filles, donc appelez-moi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Mais ça tombe bien parce que nous avons une auditrice dans le studio, elle va pouvoir donner son avis puisque je la vois parler. Amélie, ça raconte, attends, ouais. Parce qu'elle est en train de dire bah, mais comme on n'entend rien, autant faire profiter la communauté. Alors Amélie. La communauté. Vas-y. Oui, on t'entend, oui, c'est le... Prends le... Voilà, c'est phallique, hein, comme une bite. Ouais, voilà, c'est pas... Voilà. On voit quand même qu'il y a de... C'est bien, c'est pas mal. Ouais. Le mouvement de la main. Non, mais toi, t'es complètement con. Tout de suite, obligé de... Bah, regarde comment elle tient le micro. Bah, et alors? Ah non, c'est la première. Tu vois, tout le monde l'aurait pris par Léon, celle, elle l'a pris direct, direct sur le micro. C'est vrai. Je veux pas être méchant. Bon, donc Amélie, alors du coup, toi, si ton mec, tu te rends compte que ton mec est bi et que peut-être il s'est fait défourailler deux semaines avant de sortir avec toi par un mec, ça te pose un problème ou pas? Bah non, parce que pour l'instant il est avec moi, il est pas allé voir ailleurs, donc ça non. me dérange pas plus que ça. Non mais il est de... Bon, je sais merci pas. Polo, c'était parfait. C'est la meilleure intervention. C'est la meilleure intervention, tu vois, maintenant... C'est choquant. Non mais il est perturbé là, Polo. Je pense que c'est différent pour un mec, parce qu'il y a aussi le fait que les mecs dans... Le truc des lesbiennes dans les pornos, tout ça, ça a beaucoup cultivé le machin aussi. Le machin. Ouais. C'est la bite non, que t'appelles le machin. Non mais c'est ça, on voulait savoir, nous après on est con pour ces questions. Hein. Non mais je veux dire forcément deux lesbiennes ça excite plus les mecs que deux. Que ah deux oui mecs. Je confirme. Non, voilà. Ah oui mais les donc, mecs ça ne dire que... pas du tout. Hein. Ah non mais moi personnellement déjà je trouve qu'un mec c'est moche. Donc ça c'est la première chose. Ouais le truc et... qui pend moi ça me gêne. Non mais ouais, c'est même pas ça. De trucs comme ça là. C'est que je trouve qu'un mec c'est moche. Bon après c'est parce que je suis hétéro et que voilà c'est peut-être ça. Hein. Bon après les mecs qui aiment les mecs je me dérange pas, j'en ai rien à foutre, ça me pose pas de soucis. Mais quand tu tombes, tu zappes à la télé, tu tombes sur deux mecs qui s'emballent ou deux meufs qui s'emballent, c'est pas pareil. Bah oui, donc voilà ça. Même si à la base deux meufs qui s'emballent, si elles sanguinent, elles s'intéresseront pas à un mec hétéro en théorie en tout cas. Oh ça donc, dépend. Les filles, j'ai besoin de vos avis. On peut demander à Elodie aussi. Qu'est-ce que t'en penses qui est avec nous là, Elodie? Toi, ton mec te dit qu'il est gay, enfin qu'il est bi. Moi, ça me gênerait. Ouais, toi, ça te gênerait. Regarde, tu vois la différence entre ça me gênerait. Le micro par. Regarde, tu vois, ça me gênerait. Elle tient le micro comme ça, alors que ça me gêne pas. Elle tient le micro directement. Sur le micro, sur le côté phallique. Psychologie à deux balles, Toff. Mais Toff est un grand psychologue. Hein. Bien il sûr. Faut le savoir, il a un canapé chez lui. Je suis le petit fils de Dr Freud. Oui, c'est ça. Bon, Dimitri, reste avec nous. On va prendre également Karen qui est avec nous de Mulhouse. Bonsoir, Karen. Salut. Comment ça va, Karen? Ça va. Bon, alors, donc tu appelles de Mulhouse, Karen. Et tu nous appelles... Oui, attends, qu'est-ce qui se passe, Toff? Alors, Karen, combien mesures-tu? Je t'écoute Karen, n'aie pas peur. 1m72. Combien pèses-tu Karen? 68 kilos. Wow. Quel est ton tour de poitrine? C'est 85 ça. Mais un moins. Voilà. C'est original. C'est parce qu'elle doit serrer un peu plus. C'est ça. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Le dernier? Oui. C'était un 30. Non, oui. Je crois. Non, c'était un 30, 33. 33. Bonne. Bonne. Bonne. Dédicace au stagiaire. Bien sûr, évidemment. Ouais. Bonne. Bonne. Et bonne. Bon, alors du coup, Karen, sois la bienvenue. J'ai ma grande question de ce soir, bien entendu. Karen, si ton mec te dit qu'il est bi. Est-ce que ça te pose un problème ou pas de t'imaginer qu'il s'est déjà fait enfiler par un autre mec? Oui, quand même. Toi, ça te pose un problème? Parce que Toff, bon, je vois pas le problème. Non, moi, je vois pas où est le problème. Bah, moi, je voyais le problème, mais après... Non, mais si le mec, il a une vie avec un mec avant, il peut avoir une vie bien avec une meuf après. Mais non, c'est le contraire, c'est psychologique, c'est de se dire que moi... Ça me poserait un problème, mais voilà. Après, c'est pas parce que moi ça pose un problème. N'oubliez que ça pose pas un problème cette à tout phrase. Monde. Tu as une goutte à la bite, tu reviendras à la bite. Eh ben, elle achète un goût de ceinture et puis on n'en parle plus. Merci pour cette grande phrase philosophique. C'est pas de moi, c'est pas de moi. On peut savoir qui c'est ou pas? Je retrouve le document. Faut que je cherche le document parce que j'ai beaucoup de livres dans le bureau. Je vais cherche le document alors, très bien. Bon, et du coup, Karen, donc toi, ça t'est jamais arrivé en revanche, hein? Bah, en fait, c'était. Karen, t'es en train de faire quoi en même temps là? T'es en train de. La vaisselle. Oui. Oui. Donc en fait. Mais tu faisais quoi là actuellement, Karen? Maintenant tout de suite? Là tout de suite. À l'instant. Ouais, la vaisselle. Ah, tu fais vraiment la vaisselle. Non mais d'accord. Attention. Eh ben voilà, ça c'est quand on fait des conneries en même temps, ça tient. Bon, du coup Karen, bon, rince un peu mieux le verre là, il y a encore du savon dessus, là, c'est dégueulasse. Bon, alors Karen, donc ça t'est déjà arrivé ou pas? Oui. Ah. Et alors explique comment ça s'est passé? Bah en fait, au début je savais pas que c'était son mec à mon meilleur ami. Ouais. Puis un jour, quand j'étais en soirée, ben, il m'a avoué puis qu'il était bourré. Et ensuite, le lendemain, Bah, ça allait chercher, on s'explique à trois. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Ah oui, c'est original, effectivement, oui. C'est pas mal comme rupture, hein. Ouais, moi j'aime bien le... Bah, au moins, t'as l'avantage, ça a été rapide, hein. Oui. C'est vrai, faut voir les choses de manière positive, ça a été très rapide. Tu sais ce qu'on dirait ? On dirait un vieil enregistrement d'une bande magnétique. Oui, oui, oui, oui, parce que le son avec Mulhouse est très mauvais. Hein, Mulhouse, vous êtes à l'antenne. Allô, Mulhouse, ici Paris. Allô ? Ah voilà. Et Let's Be Plus qui dit aussi si mon mec est bi, c'est pas un souci, mais je sais pas comment je vivrais s'il me larguait pour un mec. Ah oui, pas con, effectivement, on est pas bon à ce détail là. Tigresse qui dit quand mon ex m'a avoué qu'il était bi, je lui ai démonté la gueule avec une bouteille d'Heineken. Oh là là, t'es au top, toi, hein, Tigresse. Hein. Elle porte bien son nom, hein, cela dit. Hein. Lorraine qui dit si mon mec est bi, aucun souci, mais s'il m'a trompé avec un mec ou une fille, je le plaque direct. Bah forcément. Il y a Believe qui dit aussi sur le Twitter mon premier copain était bi, ça ne me dérangeait pas. Il y a Make Some Noise également, alias Baptiste sur le Twitter qui dit moi ma meuf me dit qu'elle est bi, ça ne me dérangerait en aucun cas. Oui, mais comme je disais, quand on est un mec et que sa meuf vous avoue qu'elle est bi, ça pose moins de problèmes, je pense, que l'inverse. Et Megumi qui dit quand j'écoute Mickaël, des fois je suis heureuse de pas avoir de famille. Quelle horreur cette histoire, c'est clair. Et Alicia aussi qui dit il n'y a aucune fille qui appelle, lol, perso je pourrais pas sortir avec un bi. Et encore Megumi qui dit un homme bi, ça me gêne pas, ça offre juste plus de possibilités. Oui, ça c'est une manière de voir les choses, effectivement. Karen, je te remercie d'être passé. Merci. Je peux gratter un Paxel ? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse tout de suite. Attendez. Oui. Bah, en fait, je suis amoureuse de toi. Ah. Karen, mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi ? Bah oui. Non, il est trop chaud. Eh, au lieu de laver la vaisselle, tu pourrais un petit peu te laver la gueule et les yeux ? Non, sérieusement, il est trop mignon, j'aime. Mais oui, moi aussi, je t'aime, Karen. Ah, pardon ! Saluons la Gay Pride. J'ai oublié, j'ai confondu. La Ligue Braille. Saluons la Ligue Braille qui nous écoute ce soir. Mais sinon, la Gay Pride, c'était bien aussi. La Gay Pride aussi. Sachant qu'on est dans les billes, moi je trouvais ça bien. Oui, oui, mais c'est parce qu'on était dedans, justement, j'ai confondu. Ah, on était dedans. Ah oui, on était dedans, oui. Voilà. Bon, bah écoute, Karen, je suis vraiment désolé, tu vas certainement rater ta vie, hein. Mais c'est pas grave, Karen. C'est pas grave. Moi aussi, je t'aime. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Il va t'aimer que d'un soir. Il va te faire plein de promesses et puis il les tiendra pas. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Ouais, j'aurais dû faire politique. Franchement, t'aurais dû. Qui veut construire sa vie avec toi. Ouais, qui va acheter un vol espace, un chien, une maison, etc. Voilà, bien sûr. Non, ouais. Il est trop mignon. Sérieusement, je l'aime trop. Non, merci. Tu dois confondre. Oui, moi oui, aussi, à mon avis, Karen. Ouais. T'as vu les photos ? T'as vu lequel était mignon, là ? Attends, nez pointu, yeux bleus. C'est ça ? Non, mais j'ai pas. Peut-être en forme de courge. Ah, attention, attention. Attends, excusez-moi. Roulement de tambour. Ah, il est 1h23, bienvenue sur Fanadio. Et pourtant, on n'est pas bourré. On n'est pas bourrasse. Moi, j'ai fait que passer ma soirée à boire de l'eau chaude avec du citron, très recadré comme vous pouvez le remarquer. Les infos présentées par Mickaël. Et donc, Karen a bien précisé qu'elle n'avait pas encore vu la tête de Toff, qu'elle est amoureuse de sa voix. Ah. Et là, évidemment, ouais, tout change. Attends, c'est cette voix-là, Karen. C'est cette voix-là. Karen, est-ce que tu as internet ? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux aller immédiatement sur le Facebook de l'émission ? Non, maintenant tout de suite, je peux pas. Oh non, putain, j'aurais bien voulu avoir ta réaction en direct. Non, mais même, je l'aime toujours, je l'aimerais toujours. Mais oui, merci, Karen. Mais t'as pas encore vu sa tête, quoi. Mais elle n'a pas besoin, c'est parce qu'elle a vu ma beauté intérieure. Ouais, bah tu parles. Même lui, c'est une barre de rire. Même lui, rigole. C'est ça, oh, ce rire démoniaque. Ouais. Bon, bah Karen, merci à toi d'être passé en tout cas, je te fais des bisous. Moi aussi. Salut Karen, ciao à toi. Et puis reste là pour le pack fun. On va se faire dans un instant la rediff. Voici du chéri, je peux te faire cocu. Juste le temps d'écouter le son des Global DJs maintenant sur Fun Radio avec Kids. On va récupérer aussi Romain pour parler de la douche, Vincenzo également, Lolita qui donnait son avis aussi par rapport au fait de tomber sur un mec bi ou pas. C'est après Global DJs et Kids sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Allez, bienvenue sur Fun Radio, c'était Global DJs à l'instant avec Kids. Je vous cale aussi Katy Perry avec Walking on Air avant de partir. Et puis bah ceux qui n'étaient pas là hier soir, sachez que vous aviez raté le chéri, je peux te faire cocu. C'était Héloïse qui voulait piéger son mec avec le chéri, je peux te faire cocu. Le principe est simple, donc on appelle le mec en l'occurrence, ou la meuf, peu importe, en l'occurrence là le mec. Et on lui fait croire que Michel, alias moi-même, a proposé à sa copine donc de coucher avec elle juste un soir. Et bah le but évidemment c'est que le mec accepte ou pas. Et donc ça s'est passé hier soir, chérie, je peux te faire cocu avec Héloïse, c'est parti. Allô. Allô, Fabien. Dès le début. Oui.

Attention, Platinium. Il y a Fabienne qui dit je vais défoncer espèce de baltrin. Il y a Fafafa, mort de rire, c'est Blood Valentine 77. Licorne aussi qui dit client Platinium, évidemment. Il y a Kevin également, je veux répondre à la colle. Oui, t'as une guerre de retard, mec, ça fait une heure qu'on a donné la bonne réponse là maintenant. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Retour avec Lolita dans quelques minutes. Il y a Romain, il y a Vincenzo, il y a Dimitri, il y a également Andrea, bien entendu. Et puis il y avait, bah, je vous l'ai promis, le son de Katy Perry maintenant sur Fun Radio avec Walking on Air. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limite. On est jusqu'à 2h, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Profitez-en bien, la dernière ligne droite de Mickaël No Limite, c'est juste après Walking on Air maintenant sur Fun. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Exactement. Avec un message de Lynn aussi qui est arrivé, il y en a plein hein, sur le Twitter et le Facebook et Instagram également. Là, je m'endors, coup de pelle pour les 15 dernières minutes pour me tenir réveillé. Bah bien sûr, évidemment. Tiens dans ta gueule. Et tu es trop génial, sérieux, c'est vraiment top. Respect à vous tous, c'est Pierre. Merci Pierre pour le message, c'est gentil. Il y a salut, message de salut si ma meuf est bi, je participe. Bah oui, j'imagine. Et il y a Niki qui dit moi perso, ma femme, elle me dit qu'elle part pour une femme. Je crois que je fais coma, mais les billes c'est pas bien, t'as deux fois plus de chances d'être cocu. Oui bah oui, forcément, par la force des choses. Quentin qui dit je suis plié, continue comme ça Mickaël. I love you qui dit mon mec est bi, et bah c'est ça, sa vie est finie. Et puis Morgane qui dit aussi c'est la première fois que j'écoute Fun Radio, j'adore, que des fous rires. Merci Morgane, et puis sois la bienvenue surtout. Et Xavier aussi qui dit si j'avais une nana de bi, putain ce serait le panard. Et Indissociable qui dit le gars qui a voulu ressembler à Justin ressemble à mon cul après 10 jours de chiasse. Classe Indissociable, très très classe. Et Ludwig aussi qui dit je pense que le gars a fait cette chirurgie pour attirer les filles, mais d'après moi les filles doivent s'éloigner Mickaël, mais bon il reste laid quand même. Oui, en fait on en parlait parce que il y a un mec qui a dépensé $100,000 de chirurgie pour ressembler à Justin Bieber. Et allez voir le résultat sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Vous allez voir, c'est pas la folie totale. Et en parlant de Justin Bieber, il s'est fait remarquer dans un club de striptease de Houston aux États-Unis, au Texas. Et en fait, il n'a pas fait que regarder, puisque bah, il en a profité pour tripoter une des filles qu'il a évidemment raconté directement sur le Twitter. Et du coup, bah, tout le monde sait que Justin passe ses soirées en club de striptease. Et qu'en plus de ça, il touche. Mais il a pas l'âge, ce porc. Bah si, il a l'âge maintenant, c'est bon. Il va pas rester. C'est 21 ans. Peut-être que c'est 21 ans, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand t'es blindé, t'as l'âge de tout. Hein. Ouais, il passe par derrière. Bah ouais, ça passe crème par derrière. Non mais c'est vrai. Moi j'aime bien passer crème par derrière. Bah j'imagine. Bon, on a Romain et Vincenzo qui sont là, tous les deux là. Bonsoir Romain, bonsoir Vincenzo. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Mais bien et vous? Bah tranquille. Bon Romain, toi tu voulais nous appeler par rapport aux douches, puisqu'apparemment en Californie, il y a une étude qui a été faite et qui dit que il faudrait pas se laver plus de, enfin en tout cas pas prendre de douche plus d'une fois par semaine, ce serait mauvais pour la peau. Tu prends combien de temps toi Romain? Alors moi je prends tous les jours sauf le week-end quand j'ai la flemme. Et ah je oui, reste à peu près 2h, 2h30 sous la douche ou dans le bain, ça dépend. Non mais t'es sérieux Romain, tu restes tous les jours 2h30 sous la douche? À peu près, ouais. Ça veut dire 2h30, c'est à peu près abusé. Ça dépend, 1h, 2h, ça. Donc tu laisses couler l'eau pendant 1h30, 2h? Ouais. Oh mais Romain, vous êtes pas sérieux, c'est quoi ce gaspillage là? Je vais pas jouer le daron, mais quand même. Ouais, c'est chaud là quand même. Bah, c'est surtout que tu te lèves 2h à l'avance pour rien quoi. Non mais c'est pas non. Ça mais... Ah, si, moi si je peux dormir 2h, je dors 2h. Ouais déjà, non mais moi aussi, et puis même, ça coûte un pont, et puis quel gaspillage mec, Romain, sans déconner quoi. Mais en plus, ce qui est bien pendant les vacances, rigole, moi j'aime bien... rigole. Oh, mais parce que monsieur est un bourgeois. Exactement. Le bourgeois qui dépense ah, de non, l'eau. Ah non, pas du tout. Bah si, attends, mais quand mon tu laisses tout... Mon père bosse dans l'eau, donc on ah a bah, l'eau gratuite. Mais alors, ah bah, c'est génial. C'est pas une raison. Et alors, justement, c'est, tu devrais faire encore plus attention quand même. Mon père est dans les armements, donc je suis déjà... Mais oui, allons-y. Romain, putain, oh, fais attention, arrête de faire ça. Pense un peu à ce petit pingouin sur la banquise qui n'en aura bientôt plus. Mais non, raconte là. Non, mais il raconte n'importe quoi. Oh, le pingouin. Un coup de pingouin. Sandro l'a compris. Mais on oui, c'est tue ça. Le pingouin, nous. Bon, et il y a Vincenzo également qui est avec nous de Roubaix là. Salut Vincenzo. Yo, salut. Ça va? Bah ouais, ça va et toi? Bah ouais, ah, en fait ça me fait chier parce que moi je fais tous les efforts pour pas trop gaspiller de flotte. T'as tout raison, le bordel, si j'arrive, j'ouvre, j'éteins, pendant que je me brosse les dents, j'arrête l'eau, tout le bordel. Et l'eau qui n'a rien à branler, nique notre quota là, ça coule tout le bordel. Et moi pendant les vacances, je me lave très rarement. Je suis sale et tout, j'aime bien être exactement. Comme ça. Exactement. Même si moi j'ai fait l'effort de mettre. Enfin, j'ai pas fait l'effort, j'ai mis des chiottes avec l'eau de pluie en me disant. C'est parce que je trouvais ça chiant, c'est le cas de le dire. Ouais. De de dégager ta merde avec de l'eau potable. Je me suis dit, mais merde, putain, c'est pas normal. C'est pour ça qu'elle a cette et couleur bizarre. S'en bat les couilles. C'est pour ça qu'elle a une couleur bizarre. Oui, c'est de l'eau de pluie. Ah, d'accord. Et oui. À chaque fois que je vais chez Maï, je vois cette colonne, je dis, oh le pauvre et tout, qu'est-ce que c'est que cette saleté? Ouais. Alors c'est de la flotte, ça sert à rien. Putain, le pauvre, il a pas l'eau potable et tout, c'est pas cool. Non mais voilà, et l'autre pense, alors il s'en bat les couilles, on dirait le stagiaire, il s'en bat les couilles. Voilà, il s'en bat les yeux. Il s'en bat les yeux, quoi, ouais. C'est dingue. Bon, il vient pas. Non mais je suis sérieux, Romain, arrête de faire ça directement là, sinon je vais te mettre de l'acide, tu vas voir si tu vas être content, tiens, encore de prendre des douches d'acide pendant 2 heures pour voir, ça va te faire marrer, tiens. Bon, Vincenzo. Ouais. De Roubaix. Alors, comment ça se passe toi au niveau de la douche? Bah moi c'est plus d'une dizaine de douches à la semaine. Ça fait un peu plus d'une par jour quoi. Donc il y a des moments où t'en prends deux par jour parce que t'as fait peut-être un effort ou un truc comme ça. Bah ouais, voilà, avec le sport, sinon après t'as un port quoi, tu pues la sueur. Ah non, ouais. Moi je trouve que c'est le meilleur moment après le sport, tu vas pas à la douche, tu vas direct bosser quoi. Ah ouais, mais c'est faire la bise à un max de personnes. Voilà. Comme ça c'est la vraie vie mec. Comme ça tu fais participer un maximum de monde à ton sport. Ouais, mais sinon juste après l'entraînement, tu fais un gros câlin à une meuf ou quoi. Mais ouais, c'est ça qui est vrai. Bien sûr un ton. Eh mais c'est vrai, même une meuf en sueur, c'est magnifique, hein, moi j'aime bien. Ah oh, si, c'est génial. En plus, il paraît que la sueur, la sueur, ça dégage un truc qui attire les meufs. Ah ouais, ouais. Bah, non, qui font dégager les meufs, à moins. Non, a priori, non. C'est les phéromones. Ouais. C'est des grands chercheurs américains. Tu sais que je ne remets pas en doute ces études. Ce n'est pas la sueur, c'est sous les aisselles, t'as des espèces de... Enfin, il y a un lâcher de glandes. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah attends, il y a Amélie qui est avec nous là. Amélie va sentir un peu sous le bras de Top. Vas-y, pour voir. Regarde ses glandes. Je suis sûr qu'elle a le courage. Ah ouais. Moi, ça je veux bien y aller. Je vais y aller en reportage. Ah, attention. Pour le SLA Geographic, c'est Polo qui en dessous les bras de Top. Malheureusement, il est décédé. Exactement. Bon, bah merci Vincenzo et Romain d'être passés. Hein. Ouais, je peux passer une petite dédicace vite fait. Allez, vas-y, à une seule personne. Une seule, non, deux. Ah non, à une seule personne, Vincenzo. Pour la deuxième, il faudra que tu reviennes. Exactement. Super, bah, je reviendrai. La bonne. Bah, je passe une dédicace à Léon qui est en train de m'écouter et à aussi. Je vais être en staff, continuer, je vous écoute tous les soirs. C'est gentil. Voilà. Bah, merci, Vincenzo. Allez, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Et salut Vincenzo. Et salut Romain également. Ouais, je peux passer une petite dédie vite fait. Non, t'es un pollueur, Romain. Casse-toi. Salut Romain. Non, pas de dédie. Non, attends, non. Deux heures sous la douche, c'est sérieux ça? Scandaleux. C'est une honte. Je suis désolé, je suis scandalisé. 2 heures. Ouais, exactement. Il y a le prince Edia aussi qui dit. Attends, aussi. Mickaël, pense à notre environnement, c'est bien. Bah oui, un minimum, comme si personne ne le fait. Comment ça va se passer? Il y a Brie aussi qui dit déjà, il faudrait tuer Toff hein, pour excès de pollution. Ouais. Excès d'odeur nauséabonde. Exactement. Il y a Brie aussi qui dit mais il est grave le gars là qui a fait la chirurgie, il est pas beau. Bah, je confirme. Et Morgane qui dit moi, je reste 15 minutes à la douche et prends 3 le week-end parce que l'œuf et la farine ça colle aux cheveux. Ah oui, ça effectivement. Il y a Bloody Valentine aussi qui dit Mickaël et Colo, notre nouveau José Bové. Eh non, vous abusez pas non plus les mecs. Il y a je dis pas qu'il faut pas en prendre, etc. Il y a des trucs que je fais qu'il faudra peut-être pas faire pour l'écologie, mais 2 heures sous la douche. C'est-à-dire couler l'eau pendant 1 heure, 2 heures, c'est quand même scandaleux. Y a Lynn qui dit moi 5 minutes j'en ai assez pour une douche. Mais oui, c'est bon, sauf si t'es avec une meuf, exceptionnellement, tu vois, tu fais un truc, mais tout seul, pas d'intérêt quoi. Il y a Edwin aussi qui dit je suis le seul à prendre une douche tous les 2 jours. Ah oui. Bah visiblement oui Edwin. N'osez pas te le dire, mais bon. Et Elwen aussi qui dit, vous êtes les meilleurs, meilleures émissions, je vous adore. Moi, je passe 10 minutes sous la douche par jour et ça suffit largement. Bah, je te le confirme, effectivement, bien sûr. Bon, il y a également Lolita qui est avec nous de Nantes. Lolita qui voulait réagir à ce grand sujet qui était donc, est-ce que si votre copain était bi, ça vous poserait un problème dans le sens où, effectivement, bah, il se serait déjà tapé des mecs. Il y a peut-être des filles que ça dérangerait. Bonsoir, Lolita. Bonsoir. Comment ça va à Nantes? Ça va. Bon, il y a une auditrice ou un auditeur qui nous a dit qu'il faudrait qu'on aille aussi faire une émission en direct de Nantes. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que les filles sont jolies à Nantes? Oui, ça va, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, d'accord. Et combien mesures-tu? Ah oui. 1m70. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Il faut manger maintenant par contre, Lolita. 1m70, 50 kilos. C'est parfait. Ouais. J'espère que le vent va pas trop souffler cet hiver. Hein. Alors, quel est ton tour de poitrine, Lolita? 85C. Wow. Oui, heureusement, il y a des bases. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Alors, peut-être aller à Nantes. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? effectivement, c'est peut-être une idée, c'est peut-être une idée. Bon, Lolita, donc toi, est-ce que t'as un mec? Oui. Bon, alors, est-ce que s'il t'annonce, à moins qu'il l'ait déjà fait, s'il t'annonce qu'il est gay, comment ça se passe? Enfin, bi plutôt. Je me tue, je l'écharpe. Non, bi, bi, bagué, bi. Bah, moi, je le quitte directement. Ah, tu le quittes carrément, toi? Ah ouais. Pourquoi? Il a même pas droit à... Ouais, pourquoi tu le quittes? Parce que déjà, je suis jalouse quand il regarde des filles, alors qu'il faut qu'il regarde des mecs après... Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu sauras même plus quand tu dois être jalouse ou pas, quoi. Voilà, ouais, en fait, tu le vires pas uniquement parce que tu sais qu'il se tape des mecs, tu le vires uniquement parce que sinon, ça va te faire trop de travail, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, tu peux pas l'embrouiller à chaque personne qui croise, quoi. Évidemment, évidemment. Et toi, Andrea? Oui. Et dis donc, est-ce que si ton mec t'annonce qu'il est gay, qu'il est bi, pardon, ça te pose un problème ou pas? Bah, c'est juste que faut pas que j'en parle. Après, si je le fais discrètement et tout, bah ça va. Ah non, je dis pas qu'il doit te tromper avec un mec, hein. Juste dire qu'il est bi, que voilà, non, avant toi, il s'est tapé un mec, et peut-être après toi aussi. Ça me dérange pas s'il me dit, mais faut pas trop qu'il se montre, quoi. Non, mais je viens de te dire qu'il doit pas te... Enfin, j'ai compris. Non, mais qu'il doit pas l'afficher, quoi. C'est-à-dire qu'il doit pas le dire à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, c'est moi qui ai mal compris. Alors, autant pour moi. Bon, Dimitri. Non, mais c'est moi qui m'exprime mal. Il n'y a pas de mal, ouais, Andréa, t'inquiète. Bah oui, c'est ça. Pour une fois, elle s'est pas endormie. Je rappelle qu'Andrea, hier, elle était dans le standard à 1h15, elle commence à roupiller. Hein, donc, comment vous expliquer? Dimitri. Oui. Donc, toi qui sors avec le mec de ta cousine, là. Voilà. Bah, il y a un moment, il va falloir mettre l'église au milieu du village, comme on dit. Hein. Oui. Je pense aussi. Bah, il y a un moment, il va falloir être franc et casser cette affaire et en tout cas l'annoncer à la cousine. Alors, soit la cousine va vouloir garder son mec, t'arriver second, il va falloir te barrer et lâcher l'affaire. Non, je vais me barrer plutôt parce qu'avec ce qui arrive, c'est mieux pour moi, je crois. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'en fait, elle est enceinte de 4 mois. Je le savais. Putain. Oh là là, putain, mais c'est incroyable. T'es trop fort, Mickaël, tu es voyant. Non mais c'est un talent ce week-end. Oh là là. Parce qu'il prend pas de douche tous les jours. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il économise l'eau. Exactement. Non, mais attends, tu bourres un mec? Non, excusez-moi, là je. Ouais. Vas-y. Donc tu tapes un mec et ouais, j'essaie d'être plus plus fin. Tu te tapes un mec et tu sais que ta cousine est enceinte de ce même mec qu'elle a avec lui depuis 5 ans, quoi. C'est chaud. Et c'est maintenant seulement que tu dis vraiment. Non mais ouais je vais me barrer parce que avec ce qu'elle attend, tu sais, genre avec la merde qu'elle attend là, tu vois, avec ce qu'elle attend, avec elle va chose. Elle va attendre ton cousin, espèce de mongol, Dimitri. Bah ouais. Bon bah trouve-toi un autre, hein. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Bah, c'est mieux, ouais, c'est mieux, effectivement, je te confirme, ouais. Bon, eh bah, écoute, Dimitri, on va te souhaiter une bonne soirée, hein. À vous aussi. Bon, bah, salut, Dimitri. Salut. Allez, à bientôt, ciao, Dimitri. Bon, bah, Lolita, je te fais des gros bisous également. Ouais, ça marche. Salut, Lolita. Merci beaucoup. Continuez comme ça, bisous. C'est gentil, Lolita. Bon, on va justement faire un petit appel avec Toff, là, pour terminer, là. Ah. Un dernier appel pour vérifier si les gens seraient d'accord d'aller avec toi, donc, à une exposition au Portugal, une exposition de trop du cul. Donc, pas des gens comme toi, bien entendu, mais simplement une exposition artistique où on montre des anus. Oui, magnifique. Mais je trouve ça beau. Exactement, très sympathique. C'est magnifique. Donc on va appeler maintenant. Alors c'est un numéro qui nous a été envoyé. Apparemment c'est un Italien. Ah. On est une famille italienne, donc on va appeler directement. C'est parti. Ah. J'espère qu'on n'est pas trop tard. J'avais dit qu'on appellera avant 2h du matin. Il est 1h59 et 40 secondes. Et ça ne décroche pas. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais venir faire une photo de votre trou de cul, monsieur. De votre trou de cul. Vous savez, le trou que vous avez entre les fesses. Ben, écoutez, si je vous avais entre les mains, vous savez que je suis un Italien. Hein. Vous savez que ce que je ferais entre les fesses à vous, je mettrais quelque chose. Mais je vois pas, hein? Je vois pas le rapport. Hein? Monsieur, c'est une photo artistique, c'est pour mettre dans une exposition. Ah, oui, mais raccrochez, attends, parce que l'exposition, ça n'a pas intéressé. On va le rappeler. On va le rappeler. Je ne sais pas ce qu'il te mettrait. Hein. Bah, effectivement, on est en Italie, hein, ça c'est sûr. Allez, pas encore un coup. Bah, il hésite à répondre. Et oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Oui, c'est parce que je vous encule si je vous trouve. Et je rattache les mains à l'arrière et vous savez que je vous fais à l'italienne. Mais vous allez bien aimer. Mais non. Vous allez bien aimer. Mais non monsieur, moi je vous avez compris. Bah, pas du tout, je voudrais faire une photo. Bâtard. Je voudrais bâtard. Juste... Pédé. Pédé, vous n'arrivez pas à trouver une femme, pédé. Mais c'est pas ça, monsieur. Dépédé, la honte, pédé. Mais pas du tout, monsieur. Oh mon Dieu. Dieu. Lui est en plus fort. Oh, oh, je vais vous attacher les mains. Je vais vous la faire italienne. Mais c'est quoi l'italienne alors? On sait pas. On sait pas, mais je crois que vaut mieux pas savoir. Je crois que je préfère encore les Corses dans ces cas-là. Ah oui, oui, oui, là c'est clair. Il y a, ouais, bah t'emballes pas. Il y a Amel qui dit peut avoir un message de bienvenue, please. Je suis nouvelle et je trouve votre radio trop cool. Je vous kiffe, continuez. Et moi, je vous continue à vous écouter jusqu'à 2h. Oh, bah merci Amel. Et t'as raison, hein, c'est notre radio. C'est à nous. Elle est à oui, nous. On a les moyens, on l'a acheté. Voilà. Bon, on s'est endetté sur les 163 prochaines générations. Bah, c'est ça. Mais on l'a acheté, effectivement. Petit message de bienvenue à Mel. Alors, je vais t'en mettre un beau. Attends que je cherche. J'en cherche un qui pourrait aller. C'est ouais, du 43 qui aimait. Hein. Oui, je sais, mais bon. Non, personne n'a aimé. Non. Attends. Et moi, je vais baiser ta mère, non? Oui, je sais pas quoi elle ressemble à Mel, hein, donc j'ai vraiment mis ça au hasard au final. Il y a Didier qui dit vivement qu'il vienne à Nantes. Bah oui, peut-être. Et puis mon frère sortait avec une fille, l'a quitté pour un mec. Alors son ex l'a rejeté, mais aujourd'hui ils sont amis. Et ben j'ai envie de te dire, c'est le principal. On va faire le top Twitter dans un instant. Et avant ça, on appelle le gagnant ou la gagnante qui viendra avec nous au Paris Games Week. Exactement, le 20 octobre. Exactement aussi. Allez, c'est parti. Il y a toujours la photo de Bieber. Ouais, de Justin Bieber, ah, enfin du semblant là, sur Facebook. Bonsoir, comment tu t'appelles? Maxime. Salut Maxime, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, je t'appelle parce que le 29 octobre, on a besoin de toi dès 21h, là, on sera en direct du Paris Games Week. Oh putain, c'est trop beau. Eh oui, on a besoin de quelqu'un pour tester une petite console qui marchera probablement jamais, mais la PS4 et la Xbox One. Ah mais tranquille. Voilà, ouais. tu gères un peu là, tout ça, tu vas pouvoir jouer? Ah ouais, mais tranquille, putain, je suis trop. Tu sais porter des sacs parce qu'on a besoin. Ouais, on a besoin de quelqu'un pour transporter le matériel, donc. Ouais. Bon, eh ben écoute. De quoi tu dis? Je fais tout ce que vous voulez. Hein. Très bien, bah écoute. Ne nous dis pas ça, tu peux le regretter. Toff sera intéressé, ne t'inquiète pas. Bon, eh ben écoute, avec plaisir, tu viendras avec nous, Paris Games Week, et la personne de ton choix, tu vas venir avec qui? Avec un pote. Ah non, c'est pas, par contre, non, on a oublié de te dire, mais la deuxième personne est obligatoirement une demoiselle, hein, ça c'est impératif. La meuf. Ah oui, on ne peut pas. Deux mecs ne peuvent pas venir, c'est le quota, ça, on peut pas. Et s'il a un gros nez, rentre. Ouais. Ah, c'est comme les boîtes, il faut être accompagné. Oui, il faut être accompagné, effectivement. Bon, on va te laisser réfléchir, je te repasse Sandro au standard, d'accord? Ok. Bon, salut à toi, hein. T'es en train de te branler ou comment ça se passe là? Non, je suis trop content en fait. Ah d'accord, ok, ouais, il est content, mais t'as raison. Il est content, il... Eh bon, bah oui, du coup, il se fait plaisir, mais t'as bien raison, mec. Bon, je te repasse ouais. Sandro au standard. Salut, salut. Ok, salut. Allez, ciao. Andrea. Eh bah ça y est, elle s'est endormie, elle est arrivée, ce qui devait arriver. Deuxième fois d'affilée, donc elle sera où qu'elle s'endort. Bon, top tweetos maintenant, quels sont les 5 auditeurs les plus influents ce soir sur le hashtag Mickaël sur Twitter? On va commencer par le numéro 5. Cheva GTR. Cheva GTR, bravo Cheva GTR. Numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 3. Tony Morant 1. Très bien, numéro 2. Morgan 88S. Très bien, et enfin... Number one of the number one. Let's be freaks. Évidemment, bien sûr. Bon bah voilà, bah très bien. Encore une fois, Let's be freaks qui a tenu la barre haute. Alors est-ce qu'il vous gérez grave? Les gens continuez. Allez, faites gaffe à l'italien. Il va te violer, Toff. Ouais, il y a des chances. Ouais, de fortes chances, effectivement. Retour du top tutos dès demain, à partir de 23h sur Fun Radio. On remercie également tous ceux qui étaient là ce soir en masse, notamment Cécile qui dit follow me, Mickaël. Bah c'est fait, Cécile. Hein, je l'ai fait tout à l'heure. Il y a Didier, Menem, c'est également. Il y a Vincenzo qui est arrivé aussi, Tony, Thibaut, il y avait également Didier, bah, GTR justement, vous allez en parler là, chez Eva GTR, il y avait Kenny également, Kawette, Brine, Elia, il y avait qu'est-ce qu'il y a d'autre, Benem, je l'avais déjà lu autant pour moi, il y avait Corentin, Alicia qui était là, Elvira, Cannabis Kekette, etc. Bref, tout le monde sur Cannabis Twitter. Cannabis Kekette était là, alors ça va. Bah ouais, tout le monde sur le Twitter et sur le Facebook, merci beaucoup, et plus de 214 000 déjà d'ailleurs, hein, depuis ce soir sur le Facebook de l'émission. Une émission qui a qui a eu 2 mois hier, ouais. 3 mois hier, pardon. Donc va, merci. Ouais, on est plutôt pas mal. Bon bah merci à vous tous en tout cas. On va se quitter maintenant avec le générique. Et comme il y a des auditeurs qui sont venus, vous allez chanter le générique évidemment. Hein. Prenez le casque Toff puisqu'il n'en a pas besoin. Même ce, voire moi, même je celui ne sais pas de chanter. Voire même celui de Sandro éventuellement ou du stagiaire. De toute façon, le stagiaire, je sais même pas pourquoi il a un casque. Vous auriez pu le prendre depuis le début. Il n'a pas droit à un casque normalement. Enfin bon. Bon, générique de fin. Alors attention, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, je suis prêt. 3, je suis bouillant là. 2, 1. Dédicace attention. À Céline. Dédicace à Céline. À Cécile, pardon. À Cécile. C'était un test. C'est un dédicace. Ouais, mais en même temps, la chanson est tellement vulgaire. J'aurais pas dû lui dédicacer. Donc Cécile, qui est l'auditrice, qui est passée nous voir avant-hier, ouais. Et donc c'était la femme de Polo. Ouais. Sauf que ça fait quand même 10 fois qu'il se trompe dans son prénom. Donc comment te dire qu'au niveau des chances, t'étais déjà pas très haut. Mais là, je pense que elle vient de me faire une crise de jalousie par SMS. Ah, parce que là, je pense que t'as pris une pelle et tu t'es un peu enterré. Ah, là, mais je suis déjà enterré là. Ah, d'accord, ok. Tu vois, Cécile, moi je suis moche, mais je me serais pas trompé de prénom. Ouais, ça reste à prouver, ça encore. Bon, allez, 2h06, et c'est parti, générique. C'est pour toi, mon chouchou. Exactement. 3, 2, 1, go. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'allais m'élancer. Ah, voilà. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à se sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'ennuques ton oncle. Allez, que toi. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Ah, tu vas être le refrain, mais déjà proche du micro. T'es un enculé. Dormir, manger, toute la journée. T'as fait un appel masqué. Ah, excusez-moi, je me suis trompé le bouton. Ça arrive même au meilleur. Fais le pute, bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon! Que veux-tu? Ils sont canadiens! Toi l'enculé! Toi l'enculé! Toi l'enculé! Toi l'enculé! Que le maire, toi l'enculé! Ah ben voilà! Tu bout des bifs, toi te sucer, toi l'enculé! T'es un enculeur! Gulé! T'es un enculé! Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci Lou, comme chaque soir, évidemment. Bon, bonne nuit tout le monde. Merci à vous d'être passé, Louise, Amélie, Tom également. Et puis, merci pour tous les bonbons. Là, je pense que les 100 grammes que Sandro a perdu, va les reprendre explosant 100. C'est fait, elle a déjà repris. Ah ouais, c'est déjà fait. C'est parfait. Alors, impeccable. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Comme d'habitude, profitez bien de vos vacances si vous êtes déjà en vacances. Et puis, pour les autres, patience. Et puis, on revient évidemment demain, nous, à partir de 23h pour une nouvelle édition. Encore évidemment, avec plein de trucs à gagner, notamment les consoles. Avec les places pour le parc Astérix, je vous offrirai également vos places pour venir avec nous au Paris Games Week. Évidemment, je vous souhaite une excellente nuit tout le monde et rencard demain à partir de 23h sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël nos limites, 23h 2h sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB qui va prendre le relais maintenant sur Fun Radio. JB en pleine forme. Comment ça va? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. J'ai vu que t'avais envoyé un tweet tout à l'heure et t'étais fan de la vanne de Polo. Non mais hey, je merci. Lance un bisou. Oh non, quelle horreur. Non, t'enflamme pas. Fais gaffe, tu vas recevoir encore un message de jalousie de Marie-Thérèse sur ton non, téléphone. Non, je peux Evelyne, pas elle s'appelle Evelyne. Evelyne, voilà, c'est ça. Ah, elle vient d'écrire un truc. Va te faire enculer, non, toi l'enculé. Merci non. De t'être trompé de prénom, je vais te tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faudra qu'elle revienne. Ouais, elle va revenir. Ah, bah très bien, parfait. Bon, et donc du coup, comme ça, elle va pouvoir mettre une grosse patate. Ça va être pas mal. Toff ira la chercher, comme ça, il pourra mater ses fesses. Oui, bah très beau cul qu'elle a d'ailleurs. Eh, parle pas comme ça de ma meuf. Bon, et donc JB, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire un truc? Non, j'ai adoré ta vanne. Merci. Et c'était laquelle? C'était, tu dis, il va y avoir deux manches et deux manches et un pull. Ouais. Avec deux manches, on fait un pull. Je venais de me réveiller et franchement, j'ai dit. Et ça ne m'étonne pas que tu aies rigolé. Et ça ne m'étonne pas que tu aies rigolé. La France aime ça. Ouais, c'est ça. La France aime les vannes. Bon, eh bien on va pas vous déranger plus longtemps hein. On va vous laisser avec JB, vous allez voir, bon courage, ça va bien se passer, l'avantage c'est qu'il parle pas beaucoup. Donc beaucoup de musique, ouais, mais chaque pas trop speak de vannes. Ouais, tu t'engages. Alors, non. Tu t'engages, chaque speak une vanne. Ah c'est compliqué. Ou alors si t'as pas de vanne, tu mets Toff qui hurle. Oui, ça tu peux faire effectivement, je te dis où il est, hein, y a pas de problème, il passera la soirée avec toi. Comme Toff est devenu un grand acteur. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà, donc tout est possible. Hein. Je l'ai mis une fois déjà, donc. Ouais. C'est vrai. Quoi? Ça n'est pas à la hauteur de mon talent. C'est vrai. Bon, bonne nuit tout le monde. JB dans quelques minutes. Et puis Bruno dans la radio, bien entendu, tout à l'heure. Les iPhone 5S à gagner toute la journée sur Fun avec le double Fun. Ah, peut-être. Peut-être. On verra dès que vous entendez le double Fun, voilà, etc. Et puis je compte sur évidemment JB pour vous annoncer tout en détail à propos du double Fun, bien entendu, pour gagner, bien sûr, l'iPhone 5S, etc. Bon, on est quoi? Comment ça, on met quoi? Comme son, Avicii. Du rock'n'roll. Avicii, si tu veux, ouais, sinon, ouais, Avicii. Tu sais où il habite, Avicii? Avicii. C'est horrible. Quoi? Rien. Je veux bien cautionner plein de trucs, mais ça, je peux pas. Non, non. Ouais, non, mais c'est. C'est une très belle ville. Allez, au revoir, monsieur. Je vous laisse avec ce malentruche. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et à jamais. À demain. Feeling my way through the darkness.